Un chimiste est-il légitime s'il se met à parler biologie moléculaire? Comment se fait-il que le nombre de disciplines scientifiques ne fait qu'augmenter avec le temps? Et finalement, d'où vient cette segmentation du savoir en disciplines à partir de laquelle on n'hésite pas à vous coller une étiquette de littéraire ou de scientifique? C'est sur ces questions que l'on va vous inviter à vous pencher ce soir avec Marie. Nous sommes le mercredi 5 mars 2014, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 165. Bonsoir et bienvenue. Sont autour de cette table virtuelle aujourd'hui Nico à Paris au dessin. Alan, à la technique, car je suis un handicapé pas encore capable de broadcaster correctement. Et je crois qu'on a aussi Pouillot au dessin. Salut, exact. Irène en direct des USA. Robin broadcasté depuis la ville lumière. Eh ben oui. David planqué dans un saloon de Stab City, c'est beaucoup moins classe. Exactement. Et Marie, elle aussi en direct de la ville lumière, qui va nous présenter ce dossier. Et puisque c'est ta première intervention dans Podcast Science, Marie, je vais te demander de te présenter rapidement. Alors, le plus rapidement possible. Alors, je suis une ancienne camarade de master de David, avec lequel j'ai le plaisir de m'initier à l'histoire des sciences et à l'épistémologie. Je m'intéresse à pas mal de choses, mais plus particulièrement aux théories des systèmes au XXe siècle, à la biologie de l'évolution et également aux sciences cognitives. Avant tout cela, j'ai reçu une formation de lettres et de philosophie, ce qui fait de moi de l'alien idéal pour cette émission, paraît-il. J'aime aussi la science-fiction, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. On aura l'occasion de revenir là-dessus. On te retrouve, je crois, un peu partout sur le net, en particulier sur Twitter. Oui, @oliologram. Un compte... Précisément. H-O-L-Y-H-O-L-O-G-R-A-M. Voilà. Très bien. Donc, au sommaire de cette émission, donc... Le dossier de Marie. Les questions en direct du live. Et une côte. Et on n'aura pas de plug aujourd'hui, a priori. C'est donc parti pour le dossier. On va essayer de rendre ça assez interactif façon débat. En même temps, vu que Marie nous a préparé quasiment l'équivalent de deux dossiers, je pense qu'on va aussi essayer de pas trop digresser. Et c'est sur ce paradoxe que je vais te laisser la parole, Marie. Merci. Bon, c'est pas si long que ça, vous inquiétez pas. Et surtout, interrompez-moi dès que c'est nécessaire. Alors, le sujet de l'émission d'aujourd'hui m'a été inspiré par de fréquentes écoutes de Podcast Science, parce que je suis assidue, et en particulier par des discussions ou des remarques informelles qui gravitent fréquemment autour des dossiers, sans qu'elles soient jamais vraiment traitées en profondeur, parce que souvent elles sont secondaires. Et récemment, la rubrique « Pourquoi je kiffe la science ?», on a concentré un grand nombre, ce qui m'a crispée derrière mon ordinateur, pleine de frustration, en espérant qu'un jour le thème de l'émission permettrait enfin d'aborder le sujet. Donc ces remarques que j'entends souvent sur le podcast, elles gravitent autour de deux sujets en particulier. Le premier, c'est celui de la vocation scientifique et de l'enseignement des sciences à l'école. À quel moment décide-t-on de s'engager dans des études scientifiques? Pourquoi le fait-on? Comment se représente-t-on les disciplines scientifiques au moment où ce choix s'opère, etc. Le second thème, c'est celui de l'inscription académique de la science. Quelle est la différence entre une science et une discipline scientifique? Qu'est-ce qui caractérise une discipline d'un point de vue épistémologique, académique et social? Pourquoi une blague qui fait intervenir un ingénieur, un mathématicien et un physicien qui change une ampoule est drôle? Et surtout, pourquoi cette dernière question n'est pas du tout triviale? Alors, je vois que tu as habilement placé une blague histoire de n'effrayer personne, mais tu parles de caractériser une science d'un point de vue épistémologique, académique et social. Je pense qu'il serait quand même bon de donner une petite définition d'épistémologique au moins. Bon, académique et social, je pense que ça ira, mais... Pour faire simple, mettons que l'épistémologique, c'est ce qui est relatif aux connaissances, à leur fondement, à leur structure, à leur présupposé, voire à leur logique, par rapport à d'autres notions comme épistémique, qui, elles, vont qualifier les conditions de possibilité de la connaissance, c'est-à-dire la manière de connaître. Par exemple, si on se demande si ce que l'on voit dans un microscope à effet tunnel est réel, c'est un problème épistémique. Si on s'interroge sur, mettons, l'applicabilité de la théorie de l'information, c'est un problème épistémologique. Voilà, ça situe à peu près les notions. J'espère que c'est à peu près clair. Pour moi, ça va. Le reste de l'équipe, c'est bon. On peut avoir un deuxième exemple. Un deuxième exemple pour épistémologique. Pardon, hein, je crois que j'étais pas complètement assez attentif, mais ça m'a un peu échappé la différence entre les deux là, j'avoue. Oui, parce que je suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est un microscope à effet tunnel, en fait. Ouais, enfin bon, un truc observé de façon bizarre, ça, est-ce que c'est réel ou pas, d'accord? Enfin, est-ce que c'est un modèle ou est-ce que ça existe? En gros, un truc comme ça, quoi. Voilà, épistémique, c'est ce qui est relatif à la cognition, alors qu'épistémologique, c'est relatif aux sciences et aux connaissances, à leur structure, à la manière dont Alors, du coup, c'est cognition qui va me manquer, hein, je suis désolé, hein, je plus que total, hein. Donc, les manières de connaître, c'est lié à la perception, etc. D'accord. Voilà. C'est les processus de la pensée humaine, la cognition. Que dire de plus ? Les autres, c'est l'organisation de la science, enfin de la connaissance en elle-même. Voilà, exactement. D'accord. Moi, ça va alors, maintenant. Ok, je vais te laisser continuer. Alors, donc, ces deux thèmes, l'enseignement des sciences à l'école et leur définition académique, sont liés assez profondément. Parce que, finalement, choisir une filière, une série de bacs et des options au lycée, puis choisir une discipline quand on veut faire de la recherche, ça tient beaucoup aux représentations que l'on s'en fait d'un champ du savoir, qu'on va tenter de lier quelque part à son identité propre. Ces représentations-là, elles dépendent de l'évolution des contraintes scientifiques, politiques, académiques, sociales, etc. Donc, mon camarade David, avec qui j'ai étudié l'histoire à la philo des sciences, m'a encouragé à venir poser les bases de cette discussion afin d'y consacrer toute une émission. J'ai aucune compétence particulière en sciences de l'éducation, je viens pas du tout à titre d'experte, mais j'espère pouvoir amorcer quelques réflexions intéressantes sur les structures disciplinaires et la perception que l'on peut en avoir. Ne serait-ce qu'en tant qu'universitaire initié à l'épistémologie, ou en tant que personne qui n'a jamais vraiment réussi à ce jour à se résoudre à choisir une discipline au profit d'une autre. Alors, problème d'avoir trop de centres d'intérêt. Et une trop grande curiosité, ce qui est mon plus grand handicap dans la vie. Alors pour commencer, la notion de discipline. Il est bien loin le temps où l'on pouvait, surtout quand on était un garçon doué, issu d'une famille fortunée, s'initier aux sciences, aux langues et aux arts auprès d'un précepteur anglais à Rouflaquette, entrer à l'université, étudier l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la théologie, la philosophie, la rhétorique, un peu de droit pour la détente, lire une somme considérable de livres, se trouver assez savant vers l'âge très vénérable de 25 ans, puis, selon l'envie et les dispositions, s'engager vers une carrière ou une autre, en changer, etc. Voire, dans certains cas, se contenter du statut d'homme de science, polymathe, vivant de sa rente, qui est plutôt confortable. L'idéal de la Renaissance, qui consiste à développer ses capacités au maximum, dans le plus grand nombre de domaines possibles, est un petit peu passé, on l'aura remarqué. Il se trouve fort heureusement toujours des hommes et des femmes qui travaillent à développer une grande érudition et une intelligence polyvalente. Mais les faits est que par bonheur, ou par malheur peut-être, il y a de plus en plus de choses à savoir, et ça risque pas de se terminer d'ici bientôt. Du coup, se former à différentes sciences est devenu assez peu désirable en soi, assez peu réalisable aussi. Et le spécialiste trouvera toujours mieux sa place que le généraliste dans un monde où la recherche scientifique est le plus souvent appliquée, technique et organisée en une monstrueuse arborescence. Cette arborescence-là, elle est constituée par des unités particulières que l'on appelle disciplines. C'est un mot qui nous est devenu assez familier, mais qu'on interroge finalement pas très souvent. Moins que la notion de science, qui est au cœur de débats sur la scientificité et sur la non-scientificité, par exemple. Les pseudosciences, ce genre de choses, par exemple. Voilà. Ouais. Alors que la discipline, est-ce que c'est vraiment si tangible que ça ? Alors, le mot provient du latin disciplina, qui revêt trois sens différents. Le premier, c'est l'action d'apprendre. Le second, c'est ce qui est matière à un enseignement, une science, voire un système philosophique. Et le troisième, c'est une série de principes, de règles de vie. Donc la discipline militaire, par exemple. Ok. Une fois n'est pas coutume, l'étymologie nous aide pas mal sur ce coup-là, parce qu'elle distingue les trois dimensions de la notion telle qu'on la comprend encore aujourd'hui. Sa première dimension, c'est la dimension institutionnelle professionnelle, qui concerne par exemple les lieux, les communautés, les supports de communication et de diffusion du savoir, les institutions, etc. Donc ça, c'est l'action, ça correspond à l'action d'apprendre, c'est ça ? Tout à fait. La seconde, c'est une dimension épistémologique, donc un ensemble d'objets de recherche, de méthodes et de présupposés. Ça, c'était ce qui était matière à un enseignement de sciences, voilà. Système philosophique. Je dis ça parce que les gens n'ont pas forcément ta liste sous les yeux, donc ils peuvent oublier au fur et à mesure que tu avances. Et le troisième point. Et la troisième dimension, c'est la dimension pédagogique, une manière d'enseigner, une identité, voire un style d'enseignement et un langage qui lui est lié. Donc, ce qui correspond à une série de principes, de règles de vie. Tout à fait. Dans le... Ok, étymologiquement. Ok. Ça va, c'est à peu près clair pour le moment ? Ça va. Oui, on suit. Alors, le fait est qu'une discipline n'est pas qu'une unité classificatoire, parce que si c'était le cas, les disciplines se distingueraient toujours rigoureusement les unes des autres, chacune se concentrant à une partie du savoir, et elle n'entrerait jamais en concurrence ni en collaboration. Mmh. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de division rationnelle du travail scientifique, et on peut s'en réjouir. Ça signifie que les sciences sont dynamiques, qu'elles abritent des controverses, connaissent des moments de triomphe, de crise, et progressent au point de devoir sans cesse redéfinir leurs objets. La discipline correspond donc en quelque sorte à la forme concrète qu'emprunte l'activité de recherche scientifique. Elle inscrit dans un contexte professionnel. On pourrait dire par exemple que la biologie des organismes, c'est en premier lieu ce que font les biologistes qui s'intéressent aux organismes. Ça permet de situer un champ de recherche de manière commode sans pour autant que les scientifiques qui le composent s'accordent sur une définition de son objet. En l'occurrence, dans le cas précis, ça tombe assez bien, car on sait qu'il n'y a pas vraiment de consensus concernant la définition de ce qu'est un organisme vivant en biologie. Ouais, je crois qu'on en a déjà parlé dans un épisode de podcastion. C'est très compliqué de définir ce que c'est qu'un organisme vivant. En tout cas, on essaye très fort. Il n'y a pas de consensus, en effet. Ouais, désolé de l'interruption, je te laisse continuer. Pas de problème. Pourtant, cette idée du scientifique exerçant un métier qui va être enseigné de maître à élève au sein d'une discipline n'a pas été toujours très évidente, du moins pas avant la fin du 19e, début 20e, je dirais. C'est-à-dire au moment où l'activité savante s'est vraiment professionnalisée, où les scientifiques s'organisent en communautés adossées à des universités, des laboratoires, des charges de recherche, etc. Il faudra à un moment donné qu'on parle de la manière dont s'est passée cette organisation, d'ailleurs. Enfin, là, c'est vraiment purement de l'histoire des sciences, mais je pense que c'est très intéressant. On a eu pas mal de cours dans le master qu'on a fait en commun là-dessus, mais ça n'a jamais été abordé dans Podcast Science. Il faudra faire ça, je veux bien participer. Ouais. Désolé de l'interruption, je te laisse continuer. Donc cette période-là, c'est aussi le moment où le nombre de disciplines va commencer à s'accroître de manière indéfinie, au point que maintenant, on en a une somme assez monstrueuse. En 1834, André-Marie Ampère va assez bien représenter ses réflexions sur la logique des structures des sciences qui prélude à cette professionnalisation. En l'occurrence, il a écrit l'essai sur la philosophie des sciences. Donc, pour rappel, Ampère, c'est ce mathématicien, physicien, chimiste qui a une œuvre scientifique considérable et qui a donné son nom à l'unité internationale de mesure du courant électrique. Bien sûr, vous savez ça. Et donc, alors qu'il préparait un cours de physique générale et expérimentale pour le Collège de France, il a soudain connu un tournant épistémologique extrême et il s'est posé deux questions, sachant qu'il était déjà physicien. Il s'est demandé qu'est-ce que la physique générale et par quel caractère précis elle est distinguée des autres sciences. Et il s'est aussi demandé quelles sont les différentes branches de la physique générale, ainsi circonscrites, qu'on peut considérer à volonté comme autant de sciences particulières. Et également, comme les différentes parties de la science plus étendue dont il est ici question. Je le cite, j'espère que c'est à peu près clair tout de même. Mmh. Qu'est-ce que la physique générale et comment elle s'organise ? Je cite encore Ampère. Ampère nous dit « J'avais remarqué qu'il est nécessaire, dans la détermination des caractères distinctifs d'après lesquels on doit définir et classer les sciences, d'avoir égard non seulement à la nature des objets auxquels elles se rapportent, mais encore aux divers points de vue sous lesquels on considère ces objets. » Donc là, on remarque que Ampère n'utilise pas le terme de discipline, mais simplement de science, dont il cherche à déterminer le degré de généralité. C'est bien parce qu'il essaie d'embrasser les parties du savoir et non de comprendre la spécificité d'activités scientifiques. Donc, non content de définir la physique générale et de démarquer ses différentes sous-parties, ce qui est déjà pas une mince affaire, il est pris d'une grande ambition et il essaie de considérer l'ensemble des sciences et de toutes les disciplines qu'il connaît, qui étaient assez nombreuses à l'époque déjà. Donc certaines sont issues des parties du savoir classique, physique, éthique, politique, poétique, etc. Et d'autres sont plus récentes, ethnologie, psychologie, technologie. Ici la technologie c'est l'étude des techniques, c'est pas la technologie telle qu'on entend aujourd'hui qui est synonyme de production technologique. Et il en ressort de cette réflexion une classification assez rigolote où les sciences sont ordonnées selon un système de subdivisions binaires successives qui vont du général au particulier. Tu disais binaire, pourquoi binaire ? Je comprends pas très bien. C'est-à-dire que il y a deux colonnes principales, deux subdivisions principales qui vont donner lieu à des subdivisions ensuite qui sont à chaque fois en deux parties. Donc du coup, c'est un tableau binaire. Au début, il y a deux sciences, ensuite il y en a quatre, ensuite il y en a huit, etc. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok. On fait à chaque fois deux embranchements. Oui, bien sûr. Et ça reste symétrique. Et du coup, par un hasard extraordinaire, tout est parfaitement harmonieux, comme on peut le voir. Et on tient donc deux tableaux de deux colonnes tout pile, quitte à inventer quelques sciences pour l'occasion et à faire des rapprochements qui sont un petit peu curieux, si vous regardez le détail sur le document. Une case vide sur le tableau aurait été du plus mauvais effet, j'imagine. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve comme science un peu bizarre résultant de rapprochements hasardeux dans ce tableau ? Alors, par exemple, on trouve la calistographie, qui est la science des beaux-arts, qui est issue elle-même de la technesthétique élémentaire, issue de la technesthétique, qui vient de l'esthétique, qui vient des sciences dialegmatiques. Donc, dialegmatique, on imagine que c'est ce qui se rapporte au discours et à la description dans la tête d'Ampère. Donc chaque science a une science parente, sauf les sciences les plus générales, et deux sciences filles, sauf les sciences les plus particulières. La première dichotomie, elle est opérée entre les sciences qui étudient le monde, donc c'est les sciences cosmologiques, du grec cosmos, le monde ordonné, et les sciences qui étudient l'intelligence humaine, c'est-à-dire les sciences noologiques, du grec noos, la pensée. Comme vous pouvez voir, chacun de ces deux règnes est divisé en deux sous-règnes, eux-mêmes en divisé en deux embranchements, et ainsi de suite. Par exemple, les sciences cosmologiques sont divisées en sciences mathématiques, physiques, physiologiques, médicales, et les sciences noologiques en sciences philosophiques, dialogmatiques, ethnologiques et politiques. Du coup, cette tentative de couvrir l'ensemble du savoir est assez encyclopédique et fixiste, c'est-à-dire que les catégories ne sont pas vraiment destinées à bouger, quoi. Une classification du savoir ad vitam aeternam. Tout à fait. Enfin, du moins quand on lit les Sédentaires. Donc les objets des sciences sont censés être rendus plus intelligibles, mais comme s'ils existaient en soi, presque indépendamment des savants qui les forment. Bon, il paraît entre nous qu'il y a encore quelques mathématiciens qui ont cette opinion, mais je n'en dirai pas plus. Sur les mathématiques ? Oui. Bah, enfin bon, on va pas en parler pendant deux heures, mais... C'était pour la blague, c'était pour la Non, mais t'inquiète, hein, on est pour les... Enfin, en tout cas, Alan et moi, les trolls contre les mathématiciens. ça tombe bien parce qu'il y en a plusieurs autres à venir, donc comme ça vous êtes prêts. D'accord, je me prépare. Donc ici, on présuppose également que les sciences se développent selon une sorte de mouvement naturel et cohérent de l'entendement humain, avec un progrès, un raffinement des catégories, et que finalement, une nouvelle science ne peut être qu'une nouvelle subdivision d'une autre science dont elle dépend entièrement. Donc les sciences sont toujours sous-déterminées par rapport à d'autres. Aujourd'hui, les disciplines, elles ont des frontières floues, elles rentrent en collision, elles se séparent, elles se fâchent, elles en enfantent de nouvelles, tant et si bien qu'on trouve de nouvelles disciplines chaque jour, reconnues de manière assez variable sur le plan académique. Comment y voir un peu mieux là-dedans ? L'historien des sciences Thomas Kuhn, dont vous avez sans doute déjà parlé longuement ici, a justement amorcé une réflexion sur la structure des sciences, prise cette fois dans une dimension temporelle, c'est-à-dire pas juste avec un tableau à peu près fixe qui montre comment s'organiser les choses. Ouais. Et notamment dans l'ouvrage dont on a fait grande presse, La structure des révolutions scientifiques, qui date de 1962. Kuhn tente de définir la notion de paradigme scientifique dans cet ouvrage, mais cette notion le débordera un petit peu, au point qu'il la renommera plus tard « matrice disciplinaire ». Et là, ça nous intéresse particulièrement. En l'occurrence, pour Kuhn, l'adhésion à un paradigme ou à une matrice disciplinaire, c'est avant tout un phénomène social qui implique la création d'une communauté de pensée, de méthodes et d'objectifs. Autour d'outils communs de diffusion du savoir, par exemple des journaux, des conférences, des séminaires, etc. Cette communauté de pensée, elle s'accorde sur un ensemble d'observations et de faits avérés, sur un ensemble de questions à résoudre, sur des méthodes et sur la manière d'interpréter les résultats de la recherche. Les nouveaux scientifiques sont donc initiés au sein de la communauté, non seulement à des sciences et à des techniques, mais également à des pratiques sociales. Par exemple, aujourd'hui, on peut citer le système de doctorat, de post-doc, etc. Il y a tout un rituel d'initiation, en quelque sorte. Ouais. Je cite Kuhn pour finir là-dessus, pour finir sur cette idée. Pour faire son travail, le chercheur doit adhérer à un ensemble complexe de facteurs intellectuels et techniques. Mais sa réputation, s'il a du talent et de la chance, dépendra peut-être de sa capacité à abandonner son réseau d'adhésion pour en adopter un autre qu'il a lui-même inventé. Très souvent, le chercheur accompli doit faire simultanément preuve d'un caractère traditionnaliste et iconoclaste. Et donc, selon Kuhn, c'est aussi une dynamique de la création de nouvelles disciplines. C'est une vision qui est complètement opposée à celle d'Ampère, la création d'une discipline comme un phénomène social. Ben, chez Ampère, c'est surtout que la discipline, c'est un objet purement intellectuel. Alors que chez Kuhn, bon, c'est bien sûr un objet intellectuel, mais c'est ce qui est produit par une synergie sociale, en fait. C'est-à-dire par des oppositions, par des conflits, par des collaborations, etc. Donc c'est vrai que c'est une différence assez notable. En général, ce caractère social est bien intégré dans la réflexion sur la discipline aujourd'hui et plutôt privilégié par rapport à des interprétations purement intellectuelles et scientifiques de la constitution des disciplines. Ok. Donc voilà pour la réflexion sur la discipline. Je vais passer au gros morceau, entre guillemets, c'est-à-dire... Après cette petite intro. Après cette petite intro, je vais passer à tout ce qui touche à l'interdisciplinarité, la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité et la naissance de nouvelles disciplines, c'est-à-dire comment ça marche quand il y a du nouveau. Okay. Parce que quand on étudie les disciplines au cas par cas, bon, certes, c'est intéressant, mais finalement, c'est surtout les interfaces qui sont les plus intéressantes. On a vu qu'il n'y a pas de classement des disciplines scientifiques prises comme des entités fixes et stables. Et aujourd'hui, on est assez bousculé par ce qu'on appelle des champs de recherche. Voilà, qui va introduire encore un peu plus d'arbitraire dans la classification, probablement. Donc, quand tu parles des interfaces, tu parles des moments où deux disciplines se rencontrent. Se rencontrent, collaborent, travaillent ensemble, se partagent en objet de recherche, ce genre de choses. Ok. Donc, on trouve ça sous plusieurs formes. La première, c'est l'interdisciplinarité, qui est l'art de faire travailler ensemble des personnes issues de diverses disciplines scientifiques, souvent dans le but de résoudre un problème le plus efficacement possible. C'est une méthode utilisée en l'occurrence en ingénierie, en sciences de l'environnement, au GIEC en particulier. Il y a un échange de connaissances, d'analyses, de méthodes, etc. Dans l'idéal, il faut faire travailler ces personnes ensemble sans qu'elles se blessent physiquement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits, des querelles de paroisse problématiques, mais en général, ça marche. Il n'y a pas encore eu de meurtre. Pas ma connaissance. Il suffit surtout de réinventer des modes de communication, de traduire des concepts, de changer ses habitudes de travail, etc. Et pour le coup, en environnement, ça marche assez bien et c'est même assez nécessaire. Alors, je vais développer ça tout à l'heure. Mmh. Autre type d'interface, la transdisciplinarité. Donc cette fois-ci, c'est la recherche d'une pensée complexe qui va déborder et abattre les catégories disciplinaires. Par exemple, les féministes studies, par exemple, ou les gender studies, ou ce genre de choses, c'est-à-dire les champs qui sont constitués contre les barrières disciplinaires. Voilà. Tu peux préciser un peu la différence entre interdisciplinarité et transdisciplinarité, du coup? Interdisciplinarité, c'est potentiellement temporaire. Ouais. Interdisciplinarité, c'est entre des disciplines différentes, c'est-à-dire que les disciplines gardent leur intégrité, leur autonomie, mais elles vont collaborer, alors que dans la transdisciplinarité, on va traverser les barrières disciplinaires. Ok. Voilà. Avec une recherche de nouveautés. Ok, d'accord. En gros, on peut dire qu'on essaye de créer une nouvelle discipline ou c'est complètement faux de voir ça comme ça? C'est faux et c'est vrai à la fois. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure avec les cultural studies, ça sera un petit peu plus clair. Okay. Ensuite, autre type d'interface, la pluridisciplinarité. Donc là, dans ce cas-là, on a une juxtaposition de disciplines dans une perspective d'exhaustivité. Par exemple, les biogéosciences, on va voir plusieurs disciplines intégrées au sein d'une métadiscipline. On va faire par exemple de la géologie, de l'écologie, de l'hydrologie, etc. Donc là, c'est pluridisciplinaire. Et enfin, dernier type d'interface, c'est ce qui est cross-disciplinaire. Bon, le mot n'existe pas vraiment en français, on dira cross-disciplinarity en anglais. C'est le fait d'étudier une discipline à la lumière d'une autre. Par exemple, la philosophie des mathématiques, l'histoire de l'écologie, la physique de la musique, etc. Sachant que la meilleure et la plus belle de ces disciplines, c'est bien entendu l'histoire des sciences. Je pense que David ne me contredira pas là-dessus. Non, indiscutablement, je pense qu'il n'y a pas de compétition. Tout à fait. Et donc, dans ce contexte de multiples interfaces, les vieilles catégories de sciences formelles, expérimentales, naturelles, humaines, etc., on peut se demander si elles ont encore cours. Est-ce qu'on peut toujours séparer précisément sciences de la nature et sciences humaines et sociales? Pour réfléchir à cette question, je vous propose de passer en revue quelques cas particuliers qui vont nous éclairer pas mal. Ok. Alors, dans le domaine des disciplines qui sont nées à partir de l'interface de disciplines parentes, donc vous connaissez tous la biochimie ou la physique mathématique, on les remet plus vraiment en question parce qu'elles ont acquis avec le temps une certaine légitimité, elles ont passé derrière elles. Mmh. En revanche, certaines autres collisions épistémologiques ont donné lieu à des disciplines que l'on connaît plutôt mal. Voilà, j'aimerais parler en particulier des sciences naturelles dites historiques, c'est-à-dire dont l'objet d'étude est saisi dans son évolution et renvoie au passé, et surtout qui vont exploiter des méthodes issues des sciences humaines, l'histoire et l'archéologie. Donc, pour commencer, on a par exemple la climatologie historique. C'est une discipline qui va reconstituer les climats passés en lien avec les activités humaines, à partir de la préhistoire donc. C'est dans l'absolu, c'est une branche de la climatologie. L'un de ses buts est donc de mieux comprendre les changements climatiques aujourd'hui à l'aune des changements passés. Et ensuite, d'éclairer de quelle façon le climat affecte les sociétés, notamment à l'échelle locale. Mais contrairement à la climatologie traditionnelle, la reconstitution du climat va ici exploiter des documents qui nécessitent des méthodes d'analyse spécifiquement historiques. Par exemple, on va utiliser des livres de bord, recueillir des données sur les vents, la pression atmosphérique, mesurée par un baromètre de bord, des températures, etc., qui sont présents dans des livres de bord ou des archives locales. Mmh. On va recueillir aussi des données sur l'historique des crues, des précipitations, des récoltes, etc., dans le temps, ou encore examiner des cartes, des atlas anciens, etc. Or, les méthodes historiques, ça ne s'improvise pas. Devenir un bon historien, c'est long et c'est douloureux, souvent. Être un bon climatologue aussi. Et quand on veut être un bon climatologue et un bon historien, il faut inventer de nouvelles formes de collaboration pour ce type d'approche. Cette discipline utilise également, comme la paléoclimatologie d'ailleurs, ça c'est la discipline qui tente de reconstituer l'histoire des climats à l'échelle géologique, donc elle utilise des méthodes issues de l'archéologie. Techniques de fouilles, techniques de datation, exploitation de fossiles, études de sédiments, techniques issues de la dendrochronologie, donc c'est l'étude des cernes des anneaux de croissance des arbres, et de la palynologie, qui est l'étude des grains de pollen et des spores fossiles. Plein de sciences bizarres, mais bon, on retient donc que... Pas si bizarre que ça. Par exemple, des analyses microchimiques des cernes des arbres, elles peuvent permettre de déterminer les concentrations de certains polluants dans l'environnement, ou d'apporter des indices sur la pluviométrie et la température qu'il faisait au moment où l'arbre produisait un cerne. Donc c'est assez utile pour reconstituer les climats du passé. Mais donc, si je suis bien, tout ça, ça indique que la réponse à la question que tu posais initialement est que non, et que les anciennes catégories, donc comme la distinction entre sciences humaines et sociales d'un côté et sciences de la nature de l'autre, sont plus pertinentes avec cet exemple où l'histoire est tout aussi nécessaire que la partie purement climatologique pour cette discipline qui a indiscutablement un sens pratique. Je pense que ces distinctions sont assez utiles, mais qu'elles sont parfois infondées sur certains plans, comme on va le voir. Mais du moins, c'est intéressant parce que avec des croisements de cette nature, on peut mettre sciences de la nature et sciences humaines sur un pied d'égalité, sur le plan de leur dignité, de leur efficacité, etc. Ce qui est quelque chose qui n'est pas toujours évident pour tout le monde et qui, en tout cas, ne l'a pas été pendant très longtemps. Et du coup, on va pouvoir résoudre des problèmes ou faire des prédictions ensemble. C'est-à-dire sciences de la nature et sciences humaines conjointes. Prenons notre exemple. Alors, par exemple, la paléoanthropologie. Donc, c'est la discipline qui combine paléontologie et anthropologie physique pour étudier les restes des humains et hominidés à partir de preuves fossiles, comme des os, des empreintes de pas, etc. Donc, il s'agit non seulement de mettre à jour l'évolution humaine, mais également d'aborder des hypothèses de nature anthropologique sur les premières sociétés. Donc, c'est des disciplines très complexes, mais vraiment passionnantes. On a également, par exemple, l'écologie rétrospective. Donc, c'est une approche qui vise à comprendre les origines des caractéristiques écologiques d'un écosystème, l'évolution d'un habitat ou d'une population, par l'étude des écosystèmes locaux et régionaux, ainsi que du paysage. Donc pareil, on a des méthodes et des savoirs pluridisciplinaires, paléontologie, archéologie, histoire naturelle, écologie, épidémiologie souvent, et c'est assez intéressant. On comprend d'autant mieux ces rapprochements disciplinaires qu'aujourd'hui, sciences du vivant, de l'environnement et du climat s'inscrivent assez bien dans des préoccupations sociales et sociétales qui touchent à l'avenir des sociétés humaines, quelque part. Et pourtant, ces nouvelles disciplines, qui sont pas toujours si nouvelles que ça d'ailleurs, de par cette entrée historique, elle semble interroger une narration plutôt que des lois, des régularités et des déterminismes. Okay. Tout le monde aime bien les histoires, mais personne n'aime vraiment les déterminismes, surtout quand ils touchent à l'humain et aux sociétés humaines. Et c'est sans doute la raison, je pense, pour laquelle la pertinence et les fondements épistémologiques de ces disciplines sont beaucoup moins interrogés que pour d'autres disciplines très sulfureuses, comme par exemple la neuroéconomie, qui étudie l'influence des facteurs cognitifs et émotionnels dans les prises de décision, ou encore la sociobiologie, qui étudie des sociétés animales en les comparant aux communautés humaines ou en faisant des inférences par rapport aux communautés humaines. Ou encore, exemple encore plus sulfureux, la psychologie évolutionniste, qui tente d'expliquer des mécanismes de la pensée humaine à partir de la théorie de l'évolution. Et donc, je pense qu'il faut il faut avoir un regard critique sur sur tout ce genre de disciplines d'intersection, surtout quand elles sont neuves, même si ou plutôt même quand leur application, donc en l'occurrence le climat, les prédictions climatiques, etc., sont plus utiles et plus séduisantes, parce que bon, ça va servir tout de suite, quoi. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Pas forcément mélanger n'importe quoi. Voilà, on peut pas mélanger n'importe quoi, même si le but est noble et passionnant. Donc voilà pour les disciplines qui sont vraiment des disciplines d'interface. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu des disciplines qui sont entre sciences et services techniques. On a vu qu'il était difficile de distinguer où commencent les sciences molles et où finissent les sciences dures. C'est pas le seul problème. La frontière entre sciences fondamentales et sciences appliquées est aussi moins évidente que jamais. Et c'est pas les physiciens qui vont contredire, je pense. Ouais. Nombre de disciplines de sciences humaines et sociales ont désormais une forte composante expérimentale et technique. Par exemple, la linguistique, la psychologie, les sciences de la conservation du patrimoine, l'archéologie, etc. Donc, elles vont mettre à profit des disciplines qui sont à cheval entre la science et le service technique. Radiographie, acoustique, machine learning. Ouais, mon domaine. Exactement. Robotique, statistique, bibliométrie, cryptologie, tout ça. Par exemple, la phonétique acoustique, qui est la branche de la linguistique qui étudie les aspects physiques de la langue, elle est née de la collaboration entre linguistique, acoustique et traitement du signal. Et donc, ces disciplines, dans le contexte où elles sont perçues, et selon le contexte où elles sont perçues, sont soit des sciences à part entière, soit des outils pour d'autres disciplines. Un peu comme les maths, mais en pire. Désolée Robin, j'étais obligée de la faire celle-là. Le problème, c'est que je vais avoir beaucoup de choses à dire. Je vais oublier la moitié. Je me disais qu'il fallait que je prenne des notes. Mais... C'est fort. Alors, dans la catégorie des disciplines, dans l'objet et les objectifs, dépendent d'un contexte particulier. On peut citer aussi les disciplines qui sont dédiées à la résolution de problèmes ou la gestion de crise. Par exemple, la biologie de la conservation. J'utilise beaucoup d'exemples de la biologie, mais c'est parce qu'ils sont particulièrement intéressants. Donc la biologie de la conservation, c'est l'étude du statut de la biodiversité et des moyens de sa protection. Donc elle va réfléchir à la logique du déclin des espèces, de l'érosion des habitats et des écosystèmes, et étudier ces mécanismes et les moyens de l'endiguer. Donc à ce titre, elle fait intervenir les sciences naturelles, mais également l'économie, la sociologie, les sciences politiques, etc. Sa raison d'être est contextuelle. Elle est justifiée par un besoin sociétal, voire par une critique sociale parfois. Et le biologiste ici, il va examiner les causes et les conséquences de la crise de la biodiversité à une échelle variable. Cette crise correspond au déclin des espèces et à la dégradation des habitats naturels engendrés par les activités humaines. Donc, par exemple, urbanisation, intensification de production agricole, changement climatique, etc. La recherche dans le domaine nécessite donc à la fois une approche scientifique de l'écologie, mais aussi une réflexion philosophique, voire éthique. Donc on a vraiment encore une interface sciences de la nature et sciences humaines et sociales. Promis, je ne fais pas exprès d'en trouver, mais il y en a partout. Ça soutient un peu ta thèse, quand même. Un petit peu, oui. Alors, il y en a d'autres. Oui, pour ce qui est des disciplines dédiées à la résolution de problèmes urgents, bon, la biologie de la conservation en est déjà un, mais il y a encore plus d'urgents. On peut citer, par exemple, la linguistique judiciaire, qu'on appelle aussi parfois la linguistique forensique, par traduction de l'anglais, mais c'est pas terrible. Ouais, linguistique judiciaire, je pense que c'est plus parlant pour... Ouais, c'est la linguistique, enfin c'est la branche de la linguistique qui est appliquée au domaine de la loi, de l'investigation criminelle, des procédures judiciaires, etc. En gros, c'est la branche de la linguistique qui applique dans le domaine de la justice des techniques linguistiques et phonétiques pour l'analyse de preuves devant les tribunaux. Donc, elle trouve son utilité pour des missions très, très concrètes. Par exemple, identifier l'auteur d'un texte à partir de la comparaison de documents écrits. Donc, en utilisant, par exemple, des méthodes de stylistique, elle va pouvoir permettre d'identifier le plagiat, qui est utile pour les conflits de propriété intellectuelle, par exemple. Elle peut permettre d'identifier la voix d'un locuteur à partir d'un enregistrement, identifier la responsabilité ou le degré d'implication d'un accusé dans un complot à partir d'une analyse de discours, ce genre de choses. Mettre à jour des techniques de manipulation psychologique, etc. Donc, elle va être destinée à collaborer avec les sciences judiciaires en général, que l'on associe plutôt parfois à la physico-chimie, à la médecine légale, etc. Mais la linguistique est assez importante aussi. En l'occurrence, en linguistique judiciaire, on est vraiment dans la fusion complète entre sciences dures, sciences molles, sciences appliquées, expérimentales, physique, langage, investigation, etc. C'est vraiment le festival. Donc, à travers ce dernier exemple, j'espère avoir réussi à vous convaincre définitivement qu'il faut repenser nos étiquettes disciplinaires et les passer au crible d'une nouvelle analyse épistémologique qui soit mieux adaptée au monde dans lequel nous vivons. Il y avait donc une thèse derrière. je pense que c'est assez convaincant sur la non-pertinence des distinctions classiques entre sciences, tous ces multiples exemples dont tu nous as abreuvés. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut abolir les distinctions. Je suis pour maintenir des distinctions pour des tas de raisons, mais en l'occurrence, je ne les vois vraiment pas adaptées. Ne serait-ce que par mon parcours, c'est d'autant plus évident. On va y revenir. On a vu que la réorganisation des disciplines et des structures disciplinaires peut se faire sur des temps assez longs. Tant qu'un domaine n'est pas jugé suffisamment mature, précis ou bien articulé par des institutions académiques, il va, par exemple, emprunter l'exception de champ de recherche. Ouais. C'est ce qui est arrivé pendant longtemps au sens cognitif, par exemple. Donc, un champ de recherche, c'est en quelque sorte le paysage mouvant de ce que l'on cherche, sans que le programme soit encore toujours très bien fixé. L'exemple le plus frappant de champ de recherche qu'on a aujourd'hui, c'est les cultural studies. Donc, les cultural studies, c'est une voie d'études interdisciplinaire et transdisciplinaire qui va privilégier l'approche socioculturelle pour s'attaquer à un problème donné. Peut-être quelques exemples de cultural studies. Oui, par exemple, les études de genre, donc les gender studies. Les études sur le handicap. On en parle beaucoup en ce moment. Ouais, les études sur le handicap, disability studies, ou sur une aire géographique en particulier, par exemple les American studies, les études sur les media studies, etc. Il y en a plein. Bon, j'avais prévu de faire un petit peu l'histoire de ce champ-là, mais je vais peut-être laisser tomber. Ouais. Parce que ça va être un peu long. Je propose de lâcher Robin un moment, enfin, sauf si tu voulais terminer un truc avant. Je vais juste terminer deux, trois remarques à propos de ce champ-là. C'est des approches qui demeurent souvent assez polémiques en Europe et notamment en France, parce qu'on craint, entre autres, qu'elles engagent une perte de rigueur scientifique sur des sujets particulièrement complexes. Par manque de neutralité, parce que souvent, c'est des champs qui sont assez engagés politiquement. Et également à cause de l'aspect transdisciplinaire, voire non spécifique, des travaux qui sont produits. On peut se demander si il est vraiment légitime de traiter de problèmes historiques, par exemple, quand on a une formation de sociologue uniquement. Voilà, pour résumer le propos que je voulais avoir sur ces nouveaux champs de recherche. On peut lâcher Robin. Ok, non, Robin. Vous donnez l'impression que je boucle, que je suis pas content. Non, il y a pas de problème. Ça m'inspire juste des remarques, mais voilà. J'enlève la muselière, tout le monde se met aux abris. Non, mais je suis pas du tout fâché de quoi que ce soit. Hein. Non, juste moi je trouve que sur les disciplines, etc. Enfin, en fait, j'ai toujours été passionné par la philo, mais en même temps j'ai toujours trouvé ça assez artificiel et assez vain, même si ça peut être intéressant au passage, de trouver des systèmes en fait qui fonctionnent bien. C'est-à-dire que globalement, on fait ce qu'on peut pour essayer d'organiser, parce qu'on aime bien organiser les choses, mais globalement ça marche pas parce que c'est pas fait pour être organisé, il n'y avait pas de raison que ça le soit. Donc voilà, il y a des chapitres entiers qui ont changé de discipline historiquement. Tu prends les statistiques, à la base faisaient partie de la physique, maintenant on considère que c'est un chapitre des maths. La mécanique, c'est le contraire. On sait pas bien, quoi. Et puis, bon, déjà qu'on a du mal à classifier les espèces vivantes, je veux dire, classifier des concepts et des chapitres scientifiques, enfin, de connaissances, ça me paraît. C'est comme classer la musique, on sait qu'on n'y arrivera jamais, je veux dire, les styles musicaux. Et même moi, pour aller plus loin, encore plus loin dans ce que tu racontes, c'est je vois absolument pas l'intérêt d'aller classifier et donner des noms à tout ça, quoi. Alors vraiment pas, à la limite de dire il y a des groupes de gens qui parlent pas le même langage et du coup on sait que ça va pas être facile, ou il y a des conversions qui vont à faire sur les termes, sur les langages, comme si c'était des pays avec des langues différentes, éventuellement, parce que là il y a une logique dans l'approche, dans la façon de parler, mais classifier pour classifier, c'est-à-dire d'aller faire des sous-classifications et tout, je comprends juste pas l'intérêt, mais si je peux tempérer un peu, moi le truc qui me paraît intéressant, c'est de me dire que, oui, il y a une différence fondamentale, et là tu vas être d'accord avec moi forcément, il y a une différence fondamentale entre les maths et les sciences expérimentales, c'est que ce qui tranche en maths, c'est la démonstration. Alors ce qui tranche dans les sciences expérimentales, en principe, c'est l'expérience. La frontière est floue, mais enfin, on voit qu'il y a une approche qui n'est pas la même. Et d'ailleurs, si on fait parler un physicien sur un même sujet, dans ils ne vont faits, pas non, dans les de la même façon. Non, c'est même pas vrai ce que tu dis. Parce que ce qui tranche en premier, c'est la démonstration, même dans les sciences expérimentales. Et ensuite, ce qui fait qu'un modèle va être utilisé et va être pertinent dans les sciences expérimentales, c'est que l'expérience rejoint ce que le modèle prédit. C'est-à-dire que le modèle sert à quelque chose à partir du moment où l'expérience colle. Le test pour savoir si ça fonctionne. Et t'as aussi un test de démonstration. T'as plein de sciences expérimentales où il y a d'abord eu des démonstrations, ou inversement, on a eu des démonstrations après, et c'était aussi des choses qui validaient le modèle, quoi. Il y avait les deux. T'as des cas où on prévoyait avec des démonstrations des choses qu'après on avait vérifiées expérimentalement, et il y a l'inverse où on a découvert des expériences qui faisaient des choses cheloues et on les a prouvées après via un modèle. Donc c'est juste que t'as une étape en plus qui est la validation expérimentale. Mais pour moi, ça enlève pas la besoin de validation théorique. Enfin bon, on est sur un autre débat. Je vais essayer de rebondir sur ce que vous venez de dire. Il me semble que ce que vous critiquez dans cette classification, en fait, c'est ce que Marie présentait comme étant la classification d'Ampère ou toute autre forme de classification allant dans cette lignée-là. C'est mais, pas le, la non, situation là, c'est, de paradigme tellement... à la Kuhn ou... Je sais pas, je suis plutôt d'accord effectivement avec Nico. J'essaye de comprendre pourquoi on essaye de classifier les choses. Alors, je pense qu'effectivement, ça peut être pratique pour se parler, en faisant des raccourcis et tout, parfois, pour certaines choses. Mais je prends cet exemple parce que c'est l'exemple qui me frappe le plus. J'ai jamais été foutu de classer mes CD. Hein. Ma musique, ça se range pas bien, quoi. Et pour détailler même ce que raconte Robin, ce que je dis là, c'est typiquement, enfin, t'as des sciences où ils font la même chose, ils mettent un mot différent. Donc là, on est dans des cas de langues différentes, mais ils font la même chose. À une époque, à la limite, où les sciences avaient vraiment, étaient pas encore complètement mathématisées comme la plupart des sciences aujourd'hui, je parle pas des sciences sociales, mais en dehors des sciences sociales, on a une mathématisation de toutes les sciences qui fait que finalement, elles parlent toutes le même langage. Je vois pas l'intérêt de mettre des barrières. Et au contraire, les découvertes les plus récentes, les avancées les plus récentes en sciences ont été justement de dire, ben non, il n'y a pas de barrière, on utilise des modèles mathématiques et on les applique dans des cadres différents, quoi. Ouais, mais je vais pas être complètement d'accord avec toi, en fait. Hein. Moi, je pense qu'il y a pas mal de domaines des sciences qui sont pas encore mathématisés. Enfin, je sais pas, l'anthropologie, c'était pas mathématisé. T'as pas mal de sous-domaines de la bio qui sont pas mathématisés. D'accord. Enfin, à la limite, donc oui, t'as raison. Ce que je veux dire, c'est que déjà toutes les sciences mathématisées, je vois pas pourquoi il y aurait à faire des sous-classifications, quoi. Mais malgré tout, là où c'est que, encore une fois, tu soumets le même problème. Enfin, je ne vais pas donner d'exemple, parce que les seuls exemples que j'ai en tête, il faudrait faire un dossier entier dessus pour expliquer, mais tu parles d'un même sujet à quelqu'un de sensibilité matheuse et quelqu'un de sensibilité physicienne. Ils ne vont pas du tout raconter les choses de la même façon. Je veux dire, on ne va pas y voir la même chose. Mais alors, tu classifies comment ? Parce que tu peux avoir le même débat, tu parles de relativité. T'as des gens qui t'en parlent façon maths, façon physique, d'autres qui t'en parlent... Enfin, il y a plein de façons de parler de la même chose, du même domaine scientifique. Donc là, on est même au-delà de la classification, on parle juste d'individus, quoi. Oui, on en arrive aux individus, oui. Mais malgré tout, il y a une façon d'approcher les choses. Et il peut y avoir des mauvaises compréhensions, quand même, de choses... je veux dire, il y a des maths qui s'exportent mal, quoi. Enfin, j'en ai quand même discuté plusieurs fois, je crois que j'en avais parlé déjà ici, mais... les biostats, les statisticiens s'arrachent les cheveux quand ils voient ce que les biologistes font, quoi. Et je pense que les biologistes, à un moment, disent que quand même, il faudrait peut-être arrêter de chercher absolument toujours la petite bête. Tu vois bien, là, on débat entre nous deux, c'est cool. La frontière est pas claire, là, quand tu parles des biostats. C'est pas une question de domaine scientifique, c'est une question de... on est au domaine de l'individu, on est au domaine tu parles du même domaine scientifique, quoi. Moi, je pense qu'il y a un besoin de classification au niveau des laboratoires, d'un point de vue aussi purement pratique. Si vous regardez l'organisation des labos de recherche en France, par exemple, au niveau du CNRS ou autre, il faut bien qu'il y ait un organigramme, il faut bien que les gens présentent leur laboratoire et mettent une étiquette dessus, qu'on le veuille ou non. Ben, c'est comme ça que les financements sont attribués, etc. Il faut par une description à la base. Donc il faut bien Mais alors là, t'es dans le truc qui se mord la queue. C'est-à-dire, tu vas pas te mettre à faire de la recherche en classification ou à réfléchir sur la classification parce qu'une loi et des financements pensent qu'il y ait. Non, ouais. Bien sûr. Néanmoins, il faut bien définir ce que tu fais. Et après, je ne sais pas si tu prends les gens, par exemple, qui travaillent en biologie sur la thématique, je ne sais pas moi, du diabète. Il y a plein, même sur la thématique du diabète, il y a des gens qui font des travaux hyper différents. Donc, ils vont décrire leur laboratoire de façon différente. Et on peut très bien dire à ce niveau-là qu'ils font des sciences différentes parce qu'ils n'utilisent pas les mêmes techniques, ils ne savent pas les choses de la même façon non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a un besoin de classification quelque part, quoi. Et je suis pas d'accord avec toi, hein, Nico, quand tu dis que parce que c'est pas une raison suffisante pour réfléchir à la classification des sciences. Pour moi, c'est une énorme raison pour laquelle... J'ai pas dit que c'était pas une raison suffisante, j'ai dit que tu te mords la queue. C'est-à-dire que tu crées un système de fonctionnement, tu crées un système de fonctionnement qui fonctionne sur des règles, du coup, tu travailles à élaborer ces règles. Enfin, c'est qu'il y a un moment, ça fonctionne pas, quoi. Et ces histoires de labo... C'est qu'en effet, c'est récursif, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui s'auto-influence, mais comme... Et ça, vous me corrigez... Comme énormément de choses, la socio existerait pas si jamais des trucs qui s'auto-influencent étaient éliminés. Vous me corrigerez parce que vous êtes plus abouti, vous faites, vous connaissez plus en histoire que moi, mais il me semble aussi que ces classifications de labos n'ont pas historiquement à être très glorieuses, très bénéfiques au niveau de l'avancée en sciences, quoi. J'ai l'impression que c'est plutôt justement quand il y a eu des mélanges et quand on n'a pas essayé de se dire « Ah non, c'est un labo de physique, donc il n'y a pas d'autre chose que des physiciens à l'intérieur » qu'on a fait avancer les choses. Je vois pas à quoi ça sert, quoi. Par rapport à l'intérêt fondamental de la classification, bon, effectivement, sur le plan formel, la classification, ça me semble pas toujours nécessaire, du moins pour les scientifiques, parce qu'ils s'organisent socialement comme ils peuvent, ils arrivent à se distinguer les uns des autres, et ils distinguent de toute façon en ombre et lumière quelque part. Mais il y a quelque chose qui est plus important, c'est-à-dire qu'à un moment, les scientifiques, il faut les former. Il y a des étudiants qui sont à l'université. Et là, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on leur apprend exactement ? Et quand on se pose la question, qu'est-ce qu'on apprend aux nouveaux étudiants en rapport avec les savoirs qui bougent, qui se modifient, avec les connaissances qui se raffinent, etc., il faut bien définir des programmes, il faut bien faire des classements, parce qu'il y a un programme d'apprentissage. Et pour constituer ce programme, nécessairement, il faut y mettre un petit peu de l'ordre, quoi. Et il me semble que, de ce point de vue-là, la classification, bon, sans faire une classification des sciences parfaite d'un point de vue épistémologique, ce qui est effectivement un idéal qu'on peut pas atteindre, il faut quand même avoir une réflexion sur la nature des disciplines, sur leurs méthodes, sur comment elles se distinguent les unes des autres, et surtout, qu'est-ce qu'il faut enseigner à qui. Mais je vois pas pourquoi ça, parce que qu'est-ce qu'il faut enseigner à qui, je sais pas, enfin... Justement, je vois pas comment on peut enseigner de façon... Pourquoi il y aurait une meilleure façon d'organiser les trucs. Enfin, oui, il y a des choses que tu peux pas expliquer si t'as pas autre chose avant. Ça, d'accord, ok. Par exemple, en sens de l'environnement. De toute façon, en éducation, aujourd'hui, tu as l'avant-recherche où finalement, on t'apprend plus à travailler et à des façons de te documenter et de toi-même savoir te former dans la suite de ta vie. Et l'après-recherche, où on va te spécialiser, où tu vas avoir tendance à avoir... des profs plus ou moins connus et où souvent tu vas moins suivre un programme mais plutôt suivre des maîtres entre guillemets qui vont te présenter des domaines où eux sont spécialistes et c'est comme ça qu'ils vont te faire grandir dans ta méthode de réflexion et ton ouverture au reste des sciences, mais il n'y a pas du tout justement cette logique de classification. Enfin moi je l'ai pas rencontré. À partir d'un niveau d'études, tu le rencontres plus du tout. Tu as une logique de maître. De mettre à penser, quoi. Justement, c'est peut-être un problème. Je suis pas sûr, parce que c'est mettre à penser leur travail. C'est mettre à penser leur travail et de t'ouvrir au monde et de t'apprendre plutôt comme les études avant. De t'apprendre à savoir chercher, à savoir trouver de l'information, à savoir te former. L'éducation a absolument pas vocation à être exhaustive dans le domaine où tu vas travailler plus tard. Bien sûr, mais comment tu choisis ton maître dans ce cas si tu sais pas du tout te repérer dans ce qui se fait, en fait. Dans ce qui se fait dans un domaine, dans plusieurs domaines. Comment tu choisis? Ce que je comprends, c'est que justement, toi, t'as commencé. Je comprends peut-être mal, hein, sûrement mal, mais t'as commencé ton truc en disant je m'intéresse à tout, c'est emmerdant parce que on est dans un monde où il y a les scientifiques et les littéraires et c'est quand même con. Enfin, je l'ai compris comme ça parce que moi, je suis tellement persuadé que c'est débile de faire une distinction scientifique et littéraire que j'arrive pas à réfléchir autrement. Mais justement, si tu commences à organiser le savoir et tu dis, par exemple, qu'il faut organiser, que donc c'est plus astucieux d'enseigner les sciences tout d'un bloc ou les lettres tout d'un bloc. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça aboutit à ça et que justement, c'est pas. C'est ah non, pas du tout. Idée, quoi. Du tout. Ben non, voilà, justement, je comprends pas. Du coup, je comprends pas l'intérêt de classifier. Alors que moi, je sais pas, j'aurais plutôt tendance à dire justement que l'enseignement, ça va être quoi je sais pas du tout si ça marcherait ou pas, mais un enseignement rêvé pour moi, ça serait on regarde les trucs qui vous intéressent, les gars. Moi, tiens, il y a ça qui est intéressant parce que la personne qui enseigne a été intéressée spécialement à ça. Et puis, elle va enseigner ça bien parce que ça l'intéresse. Et puis, s'il se trouve que ça touche, bah, pour comprendre ça, il va falloir s'intéresser à d'autres trucs. Et puis, on s'en fout de savoir si c'est classé en maths, en physique, en bio, en lettres, en quoi. On n'en a rien à faire. C'est intéressant, quoi. C'est pas juste une histoire de classement, c'est aussi une question d'organisation. Oui. C'est-à-dire que dans une université, tu peux pas tout mettre. Donc, tu proposes des programmes, et ces programmes, il faut quand même qu'ils soient cohérents. Il faut qu'ils mènent vers une connaissance à peu près cohérente. Et surtout, il faut qu'ils aident. Qui décide que c'est cohérent. Non, mais décide qu'une certaine. Ah, c'est ça la question. En fait, c'est cohérente. Je vois pas. C'est ça la question. Qu'est-ce que t'appelles une connaissance cohérente, en fait? Parce que par exemple, enfin, je prends mon exemple parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais dans mes connaissances, par exemple, il y a du théâtre et des maths, ça a rien à foutre ensemble. Ça fait un cerveau complètement merdeux du point de vue classification. Mais en même temps, je sais pas, c'est ce que j'aime bien. Et moi, pour moi, ça fait cohérent parce que ça fait un truc où je suis content parce que j'avais besoin de tout ça, quoi. Enfin, j'avais envie de tout ça. Moi, je suis pas d'accord avec le postulat de base que tu dis, Marie. C'est-à-dire que je suis pas d'accord avec. Il faut que l'université est là pour t'enseigner un ensemble cohérent. L'université, pour moi, elle est là pour te préparer à ton avenir, c'est-à-dire à te préparer à être capable de continuer à apprendre quand t'es dans une logique recherche et quand t'es dans une logique métier. Elle est là pour te préparer à un métier. Et donc là, on n'est plus dans une classification par domaine scientifique, on est dans une classification par métier qui est beaucoup plus simple à faire parce que le but est de savoir faire le métier derrière, éventuellement de savoir le faire pendant les 20 ans à venir. Du coup, en ayant une petite prospective sur ce qui va se passer. Mais c'est tout. Après, en recherche, par contre, pour moi, en tout cas de ce que j'ai connu, c'est pas du tout une logique de ça, de t'apprendre ou d'avoir une connaissance cohérente. C'est plutôt, au contraire, de te montrer un maximum de choses et de t'ouvrir à un maximum de domaines pour que tu puisses après aller faire ton choix, quoi, et piocher. C'est vrai que moi, si je regarde l'éducation aux États-Unis, par exemple, ils sont plus effectivement dans un système où les étudiants sont plus amenés à faire des choses très, très différentes. Alors, je ne dis pas que c'est mieux, hein, parce que je pense qu'il y a un prix à payer, mais néanmoins, ils choisissent leur cursus d'une façon très, très différente, avec beaucoup plus de choix. Ce n'est pas parce qu'ils vont faire une carrière scientifique qu'ils ne peuvent pas non plus prendre des cours de philosophie, par exemple. Le prix à payer, c'est qu'ils sont ils ont moins de culture de base, je pense, d'un autre côté. J'avais pas vraiment de thèse. Enfin, quand je parlais de classification, c'est pas de nécessité de classification, c'est plutôt de nécessité de faire apparaître les différences entre les domaines de manière la plus claire possible. Et ça, je maintiens que je pense que c'est nécessaire. Bon, passons là-dessus. Donc, j'ai insisté donc assez lourdement sur la part d'arbitraire qu'il y a dans la structure des disciplines. Mon but, c'était de soulever une question particulière. Dans un paysage des connaissances donc, qui est aussi mouvant et aussi compliqué, qu'est-ce qu'il faut enseigner en particulier à nos chères têtes blondes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut enseigner à l'école? J'aimerais faire quelques remarques préliminaires pour engager le débat sur l'école et sur le rôle et la structure des programmes scolaires dans les filières générales. À l'école, on n'enseigne pas des disciplines, on enseigne des matières. On pourrait dire que ce sont des agrégats de connaissances qui ne correspondent pas à des disciplines académiques, des agrégats de connaissances qui sont assez traditionnels et destinés à remplir un rôle pédagogique défini par le ministère, rôle qui est donc destiné à varier dans le sens, selon le sens du vent, et ils s'en privent pas. Mais d'une manière générale, on peut dire que l'école, en particulier le lycée, dispense un socle commun de connaissances et de compétences définies comme nécessaires et suffisantes pour se préparer à une orientation professionnelle. Donc généralement, la structure des enseignements est déterminée selon les savoirs nécessaires à l'individu pour vivre et pour fonctionner, entre guillemets, dans une société donnée, selon la structure et l'évolution des connaissances, et selon les valeurs ou les idéologies en vigueur dans la société au stade actuel de son développement. Donc, pour ce qui est de la scolarité obligatoire, on répertorie deux modèles. Le premier, c'est le modèle unifié, qu'on appelle aussi tronc commun, par exemple au Japon, et le modèle différencié, où les filières se séparent après l'enseignement primaire, typiquement en filière générale, professionnelle et technologique. C'est un modèle assez courant en Europe. Petite précision qui est un peu hors sujet, mais bon, au Japon, ça se combine avec un système de club plus ou moins autogéré par les élèves auxquels ils se consacrent, je crois, plus d'une heure par jour. Et j'ai l'impression que ce système est en fait un bon complément modulable, disons, avec au système de tronc commun. Enfin, voilà. Bon, je te laisse continuer parce que. Je te crois sur parole, je suis jamais allée au Japon. Donc, le choix de spécialité effectué à l'école et en particulier au lycée sont rarement entièrement déterminants, mais en tout cas sont assez représentatifs de la manière dont le monde de l'éducation distingue et définit des profils intellectuels en lien avec des types de carrières. Donc il y a une exigence française de se destiner très tôt à une série de baccalauréats, c'est-à-dire d'emprunter une porte d'accès à l'enseignement supérieur, tout en se représentant assez vaguement ce à quoi il ressemble quand on est au lycée. Pour ce qui est de la filière générale, concentrer là-dessus parce que c'est elle qui permet généralement d'accéder aux formations scientifiques, on a les séries L, S et ES en France qui ne correspondent pas à des secteurs professionnels, donc n'orientent pas professionnellement par définition. Beaucoup d'élèves ont pourtant en tête un projet professionnel précis, mettons avocat, agent de voyage, éducateur spécialisé, journaliste, interprète, anthropologue, etc., et peineront à choisir une série. Sans parler de ceux qui se dessineraient à une de ces fameuses disciplines d'interface dont on a parlé tout à l'heure. Les séries ne correspondent pas non plus à de grands ensembles métadisciplinaires ou à des types de formations, c'est-à-dire filières courtes, filières longues, université, UT, etc. Et donc on peut se demander sur quoi elles sont vraiment fondées aujourd'hui. Pour ma part, il me semble que les séries de bac déterminent surtout des types intellectuels qui sont un peu surannés, un peu passés, qui tiennent beaucoup de la tradition. Comme autant jadis, il fallait soit faire ses humanités, c'est-à-dire former son esprit par les lettres, soit acquérir des compétences nécessaires pour devenir ingénieur ou scientifique. Mmh. Je pense que les élèves sont assez conscients de ce côté factice de la tripartition du bac général. Il en résulte que, en général, ils se répartissent plus dans les séries en fonction de leur niveau ou des attentes de leur entourage que de leurs intérêts propres. Dans ce contexte de parcours de lycée, je me demande s'il y a vraiment un sens à donner aux adjectifs littéraires et scientifiques. C'est des étiquettes qui indiquent quelque part qu'il importe peu qu'un scientifique soit capable de s'exprimer correctement, précisément, ou qu'un littéraire soit incapable de mener une réflexion rationnelle rigoureuse qui tend vers le plus d'objectivité possible. Il me semble que ça dessert à la fois les uns et les autres. Quant à priver d'histoire les profils scientifiques avant la fin du lycée, je trouve ça assez navrant aussi. Et d'autant plus paradoxal que on multiplie de l'autre côté des injonctions à inscrire le développement scientifique et technique dans une perspective sociale et éthique. Autre question pour introduire la discussion, est-ce que le bac général est vraiment conçu pour assurer la réussite des étudiants dans des cursus scientifiques longs? Il y a pas mal de rapports qui font remarquer que les matières scientifiques sont enseignées de manière assez abstraite, où on essaie de mettre en avant des connaissances indépendamment dans leur contexte d'observation et d'interprétation. Et surtout sans insister sur les implications possibles. Du coup, l'enseignement risque de devenir essentiellement factuel et thématique en sciences, plutôt que d'initier vraiment au mystère des phénomènes naturels et à l'approche critique des informations qui sont délivrées. En outre, l'approche thématique des programmes est assez problématique parce que, comme elle ne rend pas compte des structures disciplinaires de la recherche, il est difficile de s'orienter pour un étudiant quand il veut faire des études de sciences poussées, et en général, il ira en prépa par défaut d'ailleurs. En ce qui me concerne, c'est vraiment cet aspect catalogue, qui est parfois aussi un peu dogmatique, voire un peu positiviste, des matières scientifiques qui m'ont finalement permis de choisir entre S et L, car le choix a été difficile. Et il me semble que, bon, à l'époque, j'ai changé d'avis depuis, les filières littéraires mettaient plus en avant l'autonomie, l'esprit critique, par l'analyse de texte, etc., l'interprétation, le raisonnement philosophique, ce genre de choses, alors que les matières scientifiques mettait dans une situation un peu plus passive. C'est-à-dire qu'on avait une somme de connaissances au programme et puis il fallait les apprendre, quoi. Par exemple, pour ma part, en lycée, j'ai jamais compris le concept d'énergie tel qu'il était formulé. Heureusement, j'ai compris depuis. Notamment à cause des métaphores employées. Par exemple, le courant électrique est une rivière, ce genre de trucs. Pour moi, ça semblait plutôt tenir de la pensée magique qu'autre chose. C'était pas du tout rationnel. Et quelque part, il aurait suffi d'expliquer que il n'y a pas d'autre façon de comprendre le concept d'énergie que de commencer par des métaphores simples. Et ce genre de contextualisation des connaissances, de clarification des buts poursuivis, n'est pas toujours présent. Et je m'en suis rendu compte en enseignant moi-même à des lycéens qui sont dans des filières scientifiques. Ils sont souvent découragés par cette absence de contextualisation. Alors que souvent, les matières littéraires, elles assument mieux leurs aspects évolutifs, leur part de subjectivité, etc. Bon, encore une fois, j'ai beaucoup changé d'avis depuis. Mais il me semble que c'est des choses qui sont assez importantes pour une personne de 15 ans qui doit s'orienter, qui est prise entre les injonctions parentales, les conseils des profs, les plans sur la comète, etc. Et en général, ce qui se passe, c'est que elle va choisir la filière qui lui ressemble le plus, qui lui semble lui ressembler le plus. Et c'est souvent le choix le plus facile à faire. Donc, pour conclure avec le dossier et amorcer définitivement le débat, on a deux remarques intéressantes qui ont été faites par un auditeur, Damien, qui se trouve être un STIT et qui est donc aux premières loges pour observer les comportements des plus petits face aux enseignements pluridisciplinaires. Et donc, je pense que David va lire tout ça. La première question de Damien, c'était l'intérêt de valoriser un profil scientifique ou littéraire pour la motivation des élèves. Donc, assez jeunes, les enfants, la plupart des enfants, a tendance à montrer des capacités différentes dans les domaines dits scientifiques et littéraires. Il y a des élèves excellents en maths et d'autres en français. Évidemment, il y a aussi des élèves très bons dans les deux et largués dans les deux aussi. Mais d'un point de vue pédagogique, il peut être intéressant de valoriser des capacités dans un domaine particulier pour mettre l'enfant en confiance en l'orientant dans un domaine plutôt qu'un autre. Il devient bon en quelque chose. Alors oui, c'est peut-être moins bien qu'être bon en tout, mais c'est bien mieux que n'être bon en rien de particulier, de ne pas se sentir capable de se distinguer dans un domaine ou de manquer de confiance en soi. Des traits qui sont hélas très répandus. Pour autant, Damien regrette, comme Marie, l'absence d'un parcours généraliste jusqu'à la terminale qui permettrait peut-être de faire des choix plus clairvoyants. Et cette deuxième question portait sur la difficulté, ou cette deuxième remarque plutôt, portait sur la difficulté d'enseigner les sciences expérimentales dans de bonnes conditions. Donc, autre remarque de Damien, il est très difficile d'enseigner correctement les matières scientifiques à l'école par faute de moyens. Les séances sont préparées par les enseignants comme ils le peuvent, sachant qu'une grande partie d'entre eux n'a jamais reçu de formation scientifique. D'autre part, les activités pratiques et expérimentales dépendront beaucoup de la capacité de financement des mairies pour le matériel, microscope, ordinateur, vivarium, et de la proximité des musées ou d'associations pouvant seconder les enseignements, ce qui peut grandement influencer la manière dont les élèves se représentent les sciences et dont ils se familiarisent avec elles et par là orientent leurs choix futurs. Voilà, je sens que Robin a une réaction tout de suite. Pardon, hein, tu m'avais dit que j'avais le droit de parler ce soir. Ouais, il y a pas de souci. Quand il dit il y a des enfants qui sont bons, plus dans l'un, plus dans l'autre, ou dans les deux, ou dans rien du tout. Je pense que même au sein des maths et même au sein du français, si on appelle ça une discipline, etc., il y a des distinctions à faire. Par exemple, c'est l'exemple que je cite tout le temps parce qu'il me paraît flagrant. Dans les maths telles que je les ai apprises, il y avait énormément de trucs qui étaient du calcul, du technique. Je veux dire, tu apprends à résoudre un type de problème vraiment précis de façon technique et c'est tout. Et puis, il est arrivé un moment au collège où on te demandait de faire des démonstrations. Et là, tout d'un coup, c'était de la logique, c'était un raisonnement, c'était complètement autre chose. Et comme par hasard, il y avait quelques élèves qui se plantaient et quelques élèves qui n'arrivaient pas du tout à faire le reste et qui, là, y arrivaient. Je pense qu'il y a aussi la façon de l'enseigner, la façon de l'évaluer, qu'on demande, etc., et que c'est pas du tout au sein même d'une discipline, c'est plein de choses différentes qu'on peut évaluer, et que plutôt que de discipline, c'est des capacités, c'est des choses comme ça qui me paraissent intéressantes à valoriser. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais... Non, c'était assez clair, le fait qu'il y ait cette segmentation aussi, enfin que cette segmentation puisse aussi exister au sein d'une discipline. Il y a un truc clairement avec le calcul les... n'a absolument rien à voir avec, enfin absolument rien à voir, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est pas la même chose que la démonstration. Et en effet, on peut être bon en l'un et très mauvais dans l'autre. Bon, il est en train de répondre en direct, donc je le dis hein, quand même. Il me dit bien entendu, les profils dépendent aussi de ça. Souvent, les élèves bons en conjugaison sont bons en calcul, technique opératoire. Et je trouve que ça va vraiment au-delà. Et pour aller jusqu'au bout de cette idée-là, discutais là récemment avec des matheux, parce que j'en croise quand même souvent, et on se disait, mais vraiment, c'est la plaie, le fait que les maths soient la discipline de sélection, parce qu'on est obligé, enfin, tout le monde le sait, hein, du coup, on est obligé de les enseigner pour pouvoir évaluer, donc on enseigne quelque chose qui peut être évalué, donc du coup, les maths qu'on enseigne, c'est juste ce qui peut être évalué dans les maths, et pas, facilement. Et c'est vrai que ce qu'on se disait, mais finalement, on pourrait décider que c'est l'art plastique, la discipline de sélection, et qu'on passe dans la classe supérieure que si on est parfaitement capable de reproduire une couleur donnée et de faire une perspective parfaite, quoi. Et tout d'un coup, si ça devenait ça, les critères d'évaluation de l'art plastique, y aurait des élèves qui diraient « je suis nul en art plastique, j'ai toujours été nul en art plastique ». Et voilà, enfin, je pense que c'est... Et c'est un tout petit peu lié à ce genre de choses, un tout petit peu pas lié, mais moi, il y a un point très intéressant que Marie a plusieurs abordé, là, au niveau de, elle, son hésitation entre littéraire et scientifique, c'est qu'en fait, au lycée, les qualités qu'on demande aux littéraires, à savoir l'esprit critique, sont la principale qualité qu'on recherche pour un chercheur, pour un scientifique. La principale qualité qu'un chercheur doit avoir, l'esprit critique, au lycée, on le demande principalement en français et en philo, alors qu'on ne le demande pas du tout en physique, en maths, ou en bio, peut-être un peu plus en bio. Et ça je trouve ça vraiment... Enfin, très intéressant et très déstabilisant quant à l'existence de ces deux filières. Et en effet, c'est de la manière dont est organisé l'apprentissage et les disciplines enseignées au lycée à l'heure actuelle. Ça pourrait tout à fait être autrement. Encore une fois, donc moi j'en reviens sur le fait que c'est pas tant les disciplines qui font ça, quoi, que l'aspect qu'on regarde d'une discipline. Bah oui, mais enfin c'est ça les disciplines. Les disciplines, c'est l'aspect qu'on regarde d'une discipline. Enfin, je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas une classification du savoir indiscutable à la Ampère de la manière dont Marie nous l'a présenté, où on peut mettre gentiment des sciences dans des cases qui ne vont pas varier et qui seront... tout le monde le rejette. Du coup, on est sur une classification pratique des disciplines, du savoir, qui va être liée à l'enseignement, qui va être liée à l'organisation de la recherche et des labos, de ce genre de choses. Et je pense que c'est ça qu'on... Ouais, mais enfin, sauf qu'une classification pratique, c'est pas une classification avec un terme pour des sciences. C'est, enfin, ça, on en est revenu, quoi. Je me retiens depuis le début. Faire la comparaison parce que vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'ai l'impression qu'on est en train de vouloir faire des portails de sites web à une époque où tout le monde cherche des mots-clés, quoi. C'est-à-dire que les sciences web, on peut mettre des mots-clés, donc il y a une science, on met mathématiques, il y a une science, on met mathématiques, on met physique, et en fait, quand on fait des recherches, en mots-clés, on fait pas des recherches par boîte, quoi. Parce on n'en est plus dans cette boîte où il y a des classeurs, en fait, quoi. C'est pas juste des étiquettes, en fait. C'est ça le propos. C'est que la discipline, c'est un ensemble de méthodes, de manières de faire et de connaissances. Et du coup, il faut qu'elle demeure, cette discipline. Il faut qu'elle perdure dans le temps pour que des chercheurs en forment d'autres. Non, tu penses pas. Mais non, et pas la discipline. Il faut qu'elle perdure dans le temps. Il faut que les méthodes. Mais les méthodes, c'est pas une discipline. Il y a un ensemble de méthodes. Il y a certaines intersections de méthodes et compagnie. Oui, mais il y a pas de discipline. La notion de discipline, pour moi, n'existe pas, quoi. Enfin, tu pourras jamais mettre de limites. Tu vas avoir des mélanges qui sont de plus en plus complexes. Et donc, c'est pour ça que je pense que la méthode, c'est pas de la discipline. C'est du mot-clé. C'est du. Et donc, si les mélanges sont de plus en plus complexes, à quel moment ça sera plus praticable, en fait? Parce que... c'est de l'indexation, c'est pas mettre dans des boîtes qu'il faut, quoi. Mais on est bien d'accord avec le. Je suis curieux de l'application pratique de ce que tu dis. Ouais, on est d'accord, hein, en effet. L'application pratique de ce que je dis, c'est que moi j'ai un problème. Laisse-moi terminer. Au lycée, par exemple. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Tu supprimes les maths, la physique et le français et tu t'enseignes ça dans un grand. Je t'explique. C'est que pour moi, le lycée et les. De toute façon, avant le bac, le but n'est absolument pas de t'apprendre quoi que ce soit, sauf éventuellement en histoire au sens large. Aujourd'hui, c'est que de l'histoire de France qu'on fait, mais on pourrait faire de l'histoire des sciences, etc. En dehors de l'histoire, pour moi, le but du lycée, c'est de t'apprendre à réfléchir et de t'apprendre à apprendre. Donc, je m'en fous d'avoir des disciplines. C'est ce que disait Robin. Enfin, si c'est pour faire du calcul, à la limite, c'est pour t'apprendre à faire du calcul mental. Ok, très bien, ça peut avoir une utilité. On pourrait en discuter, ce serait un autre débat sur l'utilité de faire du calcul mental à l'époque où on a tous des ordinateurs et des calculatrices. Mais pourquoi pas? On peut te faire apprendre à faire des choses. Ce qui serait important et qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui, c'est apprendre à chercher, justement. Dans un monde où on a une information disponible, comment chercher? Justement, comment s'y retrouver dans tout ce bordel? Mais c'est pas en t'enseignant des disciplines qu'on va t'aider à t'y retrouver. Parce que toi, tu vas te dire, OK, le monde, il y a les maths, il y a la physique, et tu vas arriver dans un monde réel où non, il y a des matheux qui font de la physique, des physiciens qui font des maths, etc. Ça me semble intéressant, par contre, ça me semble pas du tout évident. Et ça me semble être un bouleversement monumental de l'éducation. Honnêtement, si on y réfléchit posément, calmement, c'est déjà absolument complètement arbitraire le choix des disciplines qui sont enseignées au lycée. Enfin, oui, et même le choix de partir au moment où tu te dis, il y a de la géoscience, il n'y a pas d'astronomie. Il y a de la géoscience, il n'y a pas de l'astronomie. La géoscience, en quoi, c'est une science plus que de l'astronomie. Et c'est un prétexte. Et puis même, ce qu'on met dans les sciences, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'heures de maths et de physique, donc des fois, on met en physique des choses qui sont des maths, et inversement. De toute façon, en France, en plus, on est la caricature de ça, vu que la plupart des sciences qu'on enseigne sont en fait des maths. Quand les gens étrangers viennent en France, ils se disent « Non, mais vous ne faites pas de la mécanique, là, vous faites des maths, parce qu'on fait du calcul partout. » Et on ne fait pas que du calcul, on fait de la résolution d'équations différentielles en mécanique et compagnie. Quand tu fais de la mécanique dans certains pays étrangers, tu ne la vois pas du tout comme ça. Tu la vois justement plus, un peu plus, entre guillemets, en physique à l'ancienne, c'est-à-dire un peu plus avec les mains qu'avec que des résolutions d'équations théoriques. Donc, c'est des prétextes, tout ça, pour, à la limite... C'est pour ça qu'il y a un problème avec l'école, c'est que le but est de donner envie aux élèves d'apprendre, et d'apprendre à apprendre, etc. Donc et le but des disciplines à l'époque, c'était de donner envie, parce qu'on avait à une époque, je sais pas, sans doute une envie de scientifique et compagnie, mais pour moi, je m'en fous qu'il y ait marqué maths dessus, l'important c'est qu'ils en ressortent quelque chose, et c'est là où des lieux, au Palais de la Découverte, Robin et moi à l'époque, tu peux faire passer des choses, ils n'ont pas l'impression d'avoir fait des maths, tu les as truandés, mais c'est pas grave, ils en sont sortis, ils ont fait une démonstration. Mais enfin, d'après toi, de toute façon, ils n'ont pas fait des maths, vu que la distinction n'est pas pertinente. Alors, ils n'ont pas... Bah non. Ils n'ont pas fait des maths, mais ils ont fait de la logique, ils ont fait de la démonstration, si tu veux. Les maths ont un statut un peu particulier. Je ne pense pas qu'on puisse différencier les maths, mais en tout cas, tout ce qui est démonstration... Les sciences théoriques et les sciences de la démonstration, tu peux mettre ça au sens large, il y en a aussi dans d'autres domaines. Tu peux parler d'en avoir fait, vu que tu fais des démonstrations ou pas, tu as des raisonnements logiques ou pas, tu fais de la logique. Ça c'est un peu particulier parce que là on en est au terme de langage, quoi. On n'en est plus à catégoriser science-fiction et aventure, on en est à catégoriser grand-mère et littérature, quoi. Donc... grand-mère. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Grand-mère. je veux dire, je pense que c'est un peu à part parce que dans la logique, en tout cas, on parle des outils de la science vraiment au sens le plus pur, c'est-à-dire quand tu es en train de réfléchir à ce que c'est qu'une démonstration et comment tu as le droit de faire une démonstration, bon, tu n'es même plus en train de faire de la science, là, tu es en train de faire, je ne sais pas comment vous appelez ça dans vos domaines, mais tu es... De la philo des sciences. Pas forcément, parce que tu peux le faire scientifiquement, en fait. Tu peux le faire en réfléchissant, tu peux aussi tout ce qui s'est passé au niveau résolution des axiomes en maths et compagnie, c'était... Le but était de résoudre un vrai problème scientifique. C'était pas juste de voir quelles étaient les conséquences de faire ça et compagnie. Il y avait un côté plus pratique que de la philosophie des sciences, en gros. En tout cas, tu vois, je trouve quand même que voilà, t'as malgré tout dit ils ont fait des maths. Et malgré tout, moi, je pense qu'il y a cette différence d'approche qui est plus... En fait, je suis à peu près capable de dire ils ont fait des maths. Et encore, dans des cas très précis, comme dire ils ont fait une démonstration. Par contre, je suis incapable de te dire ils ont fait de la physique, par exemple. Oui, mais moi aussi, mais parce que peut-être pas un truc sur lequel je me suis toujours senti très à l'aise, mais malgré tout, si, je peux avoir un peu des idées. T'as trouvé une explication un peu... Et en tout cas, je suis incapable de te dire, ils ont fait de la physique et ils n'ont pas fait de maths. Ouais, si, je sais pas, tu trouves une explication qui a l'air de bien coller à un phénomène physique a priori surprenant, t'as une intuition de pourquoi ça fonctionne comme ça et pas autrement, etc. Tu peux quand même un peu dire ça, je sais pas. Ça me paraît pas impossible. Enfin, j'ai l'impression qu'on a tendance à dire que les maths peuvent s'intéresser à tout, mais elles transforment quand même ce à quoi s'intéresse en maths, quoi. Sinon, petit troll et réflexion au passage, moi ça me pose pas véritablement de problème, mais je trouve ça très réductionniste aussi comme manière d'envisager les sciences. Votre fusion de tous les domaines, ça me gêne pas. J'ai pas de souci à me revendiquer réductionniste personnellement. Je te parle pas de fusion, hein, je te dis pas. Non, mais ça revient au même. C'est continu, quoi. T'as des pôles. Je vois pas ce que ça a de réductionniste en fait. Tu réduis rien, au contraire, quoi. L'opposition au réductionniste. L'émergentisme, c'est partir du principe qu'il y a un truc, qu'il y a des propriétés qui sont fondamentalement différentes, qui vont apparaître à un moment donné. Et ça me semble difficilement compatible avec. Mais qu'est-ce que tu veux dire par fondamentalement différente? Tu veux dire incompatible? Je suis pas émergentiste, mais je pense. Que... Mais si tu veux, alors à la limite, si tu veux faire une classification, c'est-à-dire que il y a des domaines de science. Là, c'est très très large. Il peut pas y avoir d'incompatibilité. Parce que justement, tout ce bloc de sciences qui ont des bases mathématiques maintenant, parce qu'elles ont abouti à un moment où on a pu mettre des maths et où tout le monde utilise des maths dedans, tu peux plus avoir d'incohérence dedans. parce qu'il y a justement ces bases mathématiques dessus. Dans les sciences plus ce que vous décriviez tout à l'heure, les sciences où il y a la recherche de la critique, où il n'y a pas, enfin, en philo, où il n'y aura personne qui aura raison. Il y a souvent des contradictions, mais même intrinsèquement à la philo, donc pourquoi pas. Si on peut dire que personne n'aura raison en philo, enfin ça me... Bah, ce serait un sujet de philo, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, oui, mais... Ça dépend. Disons que chercher la vérité en philo, ça n'a pas de sens, mais par contre, il y a une partie de la philosophie qui est de la philosophie pratique, et qui peut, par exemple, permettre de légiférer, je pense par exemple à la bioéthique. En bioéthique, personne n'a raison, mais il faut quand même prendre décision et il faut quand même décider, quoi. Non, mais la décision, c'est de la politique, c'est plus de la philo. Non mais d'accord, mais la philosophie va émettre des avis, et parfois ces avis sont respectés. Et du coup, il y a des conséquences au-delà du discours théorique. Ah oui, mais c'est pas une question de conséquences, c'est que dans toutes les sciences mathématiques, quand t'as un résultat qui est démontré vrai, et qui est prouvé par l'expérience, tu pourras plus le prouver faux, quoi. C'est plus possible, sauf si tu es dans un autre cadre, dans un autre monde, quand tu as un résultat montré vrai dans un cadre, c'est la répétibilité de la science, c'est-à-dire dans toutes les fois où tu seras dans le même cadre, il se répétera pareil. Dans ta philo, tu prends des exemples, tu atterris à une conclusion du fait d'un raisonnement, tu peux atterrir à des fois des raisonnements, des conclusions qui sont contradictoires parce que tu as des étapes de raisonnement différentes, tu es beaucoup plus souple parce que tu as aussi un plus grand nombre d'hypothèses, en fait. De toute façon, la base du raisonnement est la même, hein, mais... On est d'accord fondamentalement, mais il n'en est pas moins que, en sens de la nature, d'accord, tu peux arriver plusieurs fois au même résultat et ne pas pouvoir prouver le contraire, mais le cadre dans lequel tu as formulé les raisonnements et, comment dire, premier résultat change, lui, constamment. Dans quoi ? Dans quelle science il change constamment ? En physique, par exemple. Bah non, il change pas constamment. Il a pas arrêté de changer depuis le début de la physique, quand même. Bah, les théories se raffinent, elles sont abandonnées, on en prend d'autres, etc. Alors, les théories sont pas tout le temps abandonnées, même quand il y en a des meilleures. Bien sûr. Et elles restent juste dans leur cadre. Oui, elles restent dans leur cadre, on est bien d'accord. Mais leur cadre change pas, quoi. C'est-à-dire que leur résultat est vrai à l'éternité. Non, parce que leur cadre, il était généralement pas posé à la base. Je veux dire, le cadre dans lequel la physique newtonienne est vraie. Et bien sûr que si. À l'heure actuelle. Et tu as des postulats dans la physique newtonienne. Et c'est les postulats que tu vas contredire. Oui, donc ça change le cadre. Oui, mais la mécanique, en fait, comment dire, la mécanique newtonienne, c'est pas que ses résultats, c'est aussi ses hypothèses. Tu peux pas sortir les hypothèses. Donc la théorie de la mécanique newtonienne, c'est ses hypothèses et ses conclusions. Et en fait, c'est que ses hypothèses, vu que ses conclusions se déduisent de ses hypothèses. Ah ben, on est d'accord. Donc du coup, il y a plus des résultats, comme tu disais tout à l'heure, qui sont valables une fois et qui sont valables toujours, vu que les hypothèses peuvent changer. Non, mais tu ne changes pas les hypothèses, vu que le résultat, c'est les hypothèses. Ça change la même chose en physique, non ? Oui, mais enfin, ce que je te dis, c'est que en philo, tu peux prendre les mêmes hypothèses et atteindre sur deux conclusions différentes. Parce que t'es dans une réflexion de l'esprit, tu es dans du raisonnement qui est lié au monde réel, où de toute façon t'as pas un nombre d'hypothèses finies, tu glisses, tu as beaucoup de subjectivité qui est normale parce que tu étudies l'humain, enfin la pensée. En fait, je suis pas tout à fait sûr d'être d'accord avec toi. Alors oui, c'est un travail qui va jamais être fait, d'être parfaitement d'accord sur la définition de la totalité des mots, mais théoriquement non, ça marche à peu près pareil, je pense. Bah, si ça marche pareil, donc on tient vers ce que tu disais, c'est pas réductionniste. Il peut pas y avoir de théorie contradictoire, mais ça n'a pas de réduction. Je comprends pas en fait ce que tu viens de me dire. Je vois pas en quoi c'est. Bah, tu me disais le fait que ça soit continu, ça réduisait le cadre d'études. Et je voyais pas en quoi ça réduisait. Il me semblait qu'on était passé à quelque chose d'autre, mais je te disais que le fait que ce soit continu allait à l'encontre de l'idée de propriété émergente. Bon, j'ai peut-être tort là-dessus. On peut peut-être imaginer des propriétés émergentes qui apparaissent avec un certain tag qui n'ait pas de sens quand ce tag n'est pas présent. Mais là, c'était pas ça que j'étais en train de dire. J'étais juste en train de contredire le fait que tu mettais une distinction fondamentale avec la manière dont marchait la philo et la manière dont marchaient les hypothèses en philo et les hypothèses dans une autre science. Parce que j'ai l'impression que c'est juste une question. C'est du raisonnement. C'est beaucoup plus dur de se mettre d'accord en philo que de se mettre d'accord en physique parce qu'il y a moins d'hypothèses en physique qu'elles sont mieux définies. C'est juste du qualitatif. C'est ça la seule différence. C'est juste du. Mais tu es dans un raisonnement où il y a des hypothèses et des conclusions. Le fait est qu'en en philo, les hypothèses sont souvent moins bien énoncées et il y en a beaucoup plus. Oui, ouais, on est d'accord. Mais ça ne me semble pas fondamentalement différent. Mais... Non, non, non, le raisonnement est le même. Après, tu fais des hypothèses, tu en déduis des conclusions et tu as un raisonnement logique. Hein. Et par changement de paradigme, pour moi, dans tous les cas, à part... peut-être en maths purement théorique, où j'ai l'impression qu'en effet, c'est rarement contredit, il y a rarement de paradigme. C'est pas tellement ça le problème, en fait. C'est qu'en maths, déjà, on n'a pas le côté expérimental, donc on n'a pas besoin que ça colle avec la réalité, ce qui facilite les choses. Du coup, de ce fait-là, on accepte des théories contradictoires. Ça pose aucun problème, parce qu'une théorie, c'est ses hypothèses. Donc on peut avoir deux théories contradictoires. Mais elles seront toujours vraies, toutes les deux. Oui, soit. Parce que de toute façon, ces hypothèses de départ ne sont pas démontrables. Pour le coup, ça irait dans le sens, en effet, de votre distinction entre, d'un côté, les maths, l'algorithmique et deux, trois autres trucs, voire d'ailleurs... Non, mais sauf que même ça ne marche pas, parce qu'il y a des théories contradictoires en maths qui sont incompatibles et qui, toutes les deux, ont des applications, entre guillemets, physiques, c'est-à-dire des applications expérimentales. Et ça rend fou. Tu as des systèmes d'hypothèses qui sont absolument incompatibles, et où tu ne peux pas avoir l'un et l'autre, et qui pourtant ont des explications expérimentales, bien sûr pas dans le même cadre, sinon ce serait, on devient tous fous, mais juste dans des cadres différents, il se trouve que les deux collent. Et là, ça fait des jolis sujets de philo, pourquoi ça marche, quoi. Soit, on peut peut-être reprendre le... Pardon, je vous ai un peu perdu, ouais. J'ai essayé de suivre la chatroom, et ça a parlé très vite. Alors, on était parti sur les programmes à l'école. Du coup, vous me parliez d'éclatement formel des disciplines, des matières, etc., à cause de l'arbitraire de la discipline et de la matière. Ce sur quoi je suis d'accord sur l'arbitraire. Mais par contre, du coup, donc, pourquoi ne pas lancer la discussion sur qu'est-ce que vous allez mettre dans le programme de lycée? Est-ce que vous allez faire des parcours? Est-ce que vous allez faire des systèmes d'options complètement libres? Qu'est-ce que vous feriez? On peut partir là-dessus pour la discussion, je pense. Ouais, ça me semble très bien. Je suis particulièrement intéressé par l'opinion de Nico. Je serais pas forcément pas d'accord avec toi, hein, d'ailleurs, mais je pense que ça va être un bouleversement important de ce qui existe au vu de Alors, ce que tu as dit précédemment. Moi, je vais avoir du mal à te le mettre dans la pratique, dans les détails, mais pour moi, l'objectif, en tout cas, en fait, en gros, c'est déjà d'assumer qu'il y a des filières qui forment à un métier. Pour moi, le but, c'est de former des gens qui sont capables de s'adapter et d'évoluer. Et donc, c'est d'apprendre à apprendre, d'apprendre à chercher. Et finalement, c'est surtout ça, pour moi, le but du lycée. Donc après, dans la pratique, ça peut se traduire par mille et une manières. Le meilleur moyen d'apprendre ces choses-là, c'est d'être mis en situation. Donc ce sera sans doute, en fait, d'introduire un peu le métier que tu fais quand tu fais, par exemple, de la recherche ou même quand tu fais n'importe quel métier, que ce soit ingénieur ou autre, d'avoir un outil pour rechercher, que ce soit un ordinateur connecté à Internet, une bibliothèque ou quoi, et des objectifs où tu as des tâches à faire qui te demandent de la recherche et de l'initiative. C'est-à-dire, tu as tel problème à résoudre et de l'initiative. Ça peut faire appel un peu à des sciences, ça peut faire appel aussi un peu à la réflexion et à des choix plus ou moins politiques. Donc plus par projet, en gros. Mais je ne sais pas te dire en détail, je n'ai pas réfléchi à la question. Et alors, plus de matière ? Mais ouais, enfin pour moi la notion de matière, en fait typiquement dans les concours d'école d'ingénieur, il y a eu une matière dans une épreuve que j'ai adorée, ça s'appelait modélisation. Il y a pas de nom dessus. Il y a un problème et on peut faire appel à tout ce qu'on veut. Et au début c'est hyper déroutant parce qu'il y a pas marqué mathématiques en haut, donc tu sais pas que tu dois ouvrir la partie de ton cerveau qui est les mathématiques. Moi j'ai toujours au lycée, j'ai trouvé ça nul les maths parce que c'est facile, quand il y avait un exercice, je regardais le titre du chapitre, c'était théorème de Thalès, j'essayais de multiplier tous les chiffres jusqu'à que ça colle pour faire le résultat, quoi. Alors il me semble qu'au lycée ça va poser de gros problèmes au niveau de la formation des enseignants et des enseignants que tu vas avoir, c'est-à-dire que... Non, parce que ça c'est aussi sortir du paradigme, l'enseignant c'est tout. Je pense que c'est une erreur de... Peut-être qu'il ne sait pas tout, mais il faut quand même qu'il apprenne quelque chose. Et il faut quand même... Mais non, l'enseignant, il est là, donc toujours sur l'objectif principal, qui est d'apprendre à l'élève à apprendre et à rechercher. Donc l'enseignant, il doit aider l'élève à ça. Il n'est pas censé tout connaître, il est censé l'aider, il doit être un expert de la façon de se documenter et de différentes méthodes de pédagogie, c'est-à-dire pour transmettre à l'élève, mais il n'a pas à tout connaître. Ça fait très université Vincennes. Mais c'est ce que tu as. Mais réfléchis à ton cadre professionnel. Je suis pas nécessairement contre. Hein, mais ouais, je... mais peut-être pas toi, mais moi dans mon cadre professionnel, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai rencontré en thèse aussi. C'est ça qu'on vit tous les jours. On n'est pas entouré de spécialistes autour de nous pour nous aider. on est entouré la plupart du temps de gens qui n'en savent rien comme nous, et il y a des gens qui s'en sortent mieux du lot. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de l'initiative et de l'autonomie, quoi. Et pour moi, c'est ça qui est important à apprendre, c'est de former des gens débrouillards, en fait. C'est assez séduisant comme ça, d'un point de vue théorique. Et curieux aussi. Et curieux, oui, bien sûr. Parce qu'il y a un truc, hein, moi, c'est ce que je dis souvent dans la vulgarisation, le plus compliqué n'est pas tellement de faire simple, mais plutôt d'intéresser les gens. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'au lycée, les gamins, apprendre à apprendre, c'est bien beau, mais ils n'ont pas forcément envie d'apprendre, en fait. Ils n'ont pas forcément envie d'apprendre, honnêtement, là où ils vont, ils ne sont pas encore du tout autonomes, et du coup, il faut prendre en compte ça pour... C'est quelle matière au lycée qui peut te donner envie d'apprendre, honnêtement ? À la limite, il y a les TP de bio, où on te fait faire des discussions, des choses que tu n'avais jamais fait, quoi. Là, c'est Alan, je ne suis pas intervenu jusqu'à maintenant, mais Marie, honnêtement, tous les enfants sont curieux. Simplement, les méthodes d'enseignement actuelles ont tendance à tuer dans l'œuf cette curiosité. On les juge en permanence, on les évalue, on les encourage pas à apprendre. Ça me surprend pas, en fait, que les enfants n'aient pas forcément envie d'apprendre dans ce contexte-là. Mais je pense que c'est vraiment le contexte qui crée cette situation, non ? Je l'espère, en tout cas, mais... j'aimerais qu'on discute plus précisément de ce que doit être le contexte. Et là-dessus, moi, pour aller un peu plus loin dans un des points là, que sous-entendait juste Alan, et un des trucs élémentaires, c'est soit je dégage les notes, soit je valorise à mort les mauvaises notes, quoi. Parce que c'est là où on apprend le plus, et c'est ce qui aujourd'hui est le plus dévalorisé au possible, quoi. D'abord au lycée, parce qu'il y a une survalorisation des bonnes notes, et ensuite à l'université, parce qu'il y a tellement d'épreuves qu'une mauvaise note, c'est un plomb, quoi. Il y a tellement peu d'épreuves en université que la mauvaise note est un poids, quoi, à porter. C'est une différence, par exemple, avec la prépa, où tu as 4-5 épreuves par semaine, et où du coup, une mauvaise note là-dedans, c'est pas grave. Au passage, je ne suis pas forcément contre ça non plus, hein, mais ça va être compliqué d'avoir des systèmes d'évaluation à un niveau national type bac avec des systèmes d'enseignement très hétérogènes. Là-dessus, j'ai une super réponse à te faire. C'est que non seulement non, ce n'est pas compliqué, mais en plus, ce sera complètement anti-triche. Pourquoi ? Parce que tu testeras l'autonomie. Toujours pareil, tu vas former des élèves à être débrouillards et à être intelligents, comme disait Robin, et donc tu les testeras là-dessus. Donc tu fais pas un test d'intelligence parce que ce serait défavorable, mais tu les testes à être débrouillard. Donc tu fais une épreuve un peu ouverte où il faut un peu d'initiative. Et tu leur donnes accès au monde de recherche, etc. Tu t'es pas en train, quand tu fais le bac, c'est un examen, c'est pas un concours. Donc tu es en train de tester s'il est capable de passer à la suite. Et qu'est-ce qui leur arrive quand ils sont ni autonomes ni débrouillards, alors, les pauvres ? S'ils sont ni autonomes ni débrouillards, déjà, ça veut peut-être dire qu'il faut poursuivre la formation, faire la formation plus adaptée. Après, j'ai pas dit que ce type de formation était adapté à tout le monde. Je suis pas convaincu non plus. Un truc qui était dit à la chatroom qui est très vrai, ça c'est un peu franco-français, mais à mon avis, il y a un autre type de formation qui est aussi à énormément valoriser, c'est la formation à des métiers. Parce qu'aujourd'hui, on a la plupart des filières, et la filière L est la plus grosse caricature de ça, des filières qui ne forment à aucun métier, qui forment juste à des compétences, des concepts, mais on ne sait pas faire de métier. Il y a plein d'écoles d'ingénieurs qui sont dans ce cas-là, où tu as des ingénieurs qui sortent aujourd'hui et qui ne savent rien faire, et les plus grandes écoles sont le plus dans ce cas-là, plus elles sont généralistes, plus elles sont dans ce cas-là. Je pense que, comme disait Alan, la curiosité... T'as dit que ça, c'était pas bien ou que c'était bien ? Pour moi, soit tu formes à un métier, soit tu formes la personne à être débrouillard, à savoir rechercher et du coup à être capable à la limite d'avoir de l'initiative, de créer des choses, de se créer en fait son cadre de métier, de participer à des choses plus innovantes. Mais tu peux pas continuer à former des gens, à connaître plein de choses, mais à ne savoir rien faire, quoi. Je pense que les deux sont nécessaires. Je pense qu'on peut pas former que à la recherche et que en faisant des trucs de recherche. C'est les trucs un peu à la méthode alternative, Freinet et autres, machin. Je pense que de la recherche, que de la débrouillardise, non, il y a un moment, faut amener du contenu aussi. Mais toute la question, c'est à quel endroit tu mets le curseur. Et là, clairement, en tout cas dans notre système en France, on est vraiment sur du balancer du contenu. Et c'est un truc que j'ai lu récemment là sur les méthodes asiatiques dont on parle tant avec les élèves asiatiques qui sont trop forts et tout, où effectivement le programme est beaucoup moins ambitieux, c'est-à-dire que la quantité de connaissances qu'ils sont censés savoir à tel et tel âge est beaucoup plus faible, en fait. Mais parce que, ok, oui, par le... L'efficacité des systèmes asiatiques, c'est juste que les mômes bossent 10 heures par jour. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont les heures de cours officielles et ils ont 4 heures de cours dans une seconde école après. C'est comme ça dans le système japonais, c'est comme ça dans le système chinois, c'est comme ça dans le système coréen. Ça joue quand même beaucoup et c'est pas forcément le système idéal. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, je pense que ça joue quand même pas mal. Bien sûr, et puis de toute façon, c'est dans les milieux les plus favorisés, et puis de toute façon, en plus, c'est eux qui font le test de Shanghai, donc c'est pas normal que ça marche et tout. On le sait, mais c'est quand même quelque chose... Enfin, je sais pas, là, j'en ai entendu parler récemment, là, en disant que c'était quelque chose qui avait tellement de succès que ça commençait à être importé en France, en Europe, à différents endroits, etc., ce genre de méthode-là. Et de toute façon, moi, c'est aussi ce que je fais, donc je ne vais pas commencer à dire que je ne crois pas en ce que je fais. C'est-à-dire d'avoir une part de « on perd du temps ». On perd du temps parce qu'on n'introduit pas la notion directement. On laisse chercher, on laisse patouiller, on amène une réponse hein, le jour où il y a eu une question, quoi. Et c'est le jour où ils ont cherché, ils se sont plantés, ils n'ont pas trouvé, etc. Et puis là, tu arrives et tu leur dis « ben, dis donc, là, je vous montre un truc, ça marche, quoi ». Je suis d'accord avec toi. Hein. La quantité de contenu que tu vas effectivement faire passer va être moindre, mais elle est comprise, quoi. C'est-à-dire que... puis elle est assimilée. Si t'en as vraiment eu envie, besoin, etc., le jour où on te l'apprend, quoi, soit que tu le trouves tout seul, soit qu'on te l'apprenne, ça va rester autrement, quoi. Et donc, Alan dit, c'est un miracle quand la curiosité survit à l'école. Voilà, moi, je sais pas. Un truc quand même au niveau de ce que disait Alan sur la curiosité des élèves. Je pense en effet que oui, il y a une curiosité naturelle des enfants. T'as tout à fait raison. Néanmoins, le fait de trouver le juste milieu entre curiosité naturelle et le fait de faire en sorte que les enfants en question retiennent un certain nombre de savoirs, que ce soit une méthode, que ce soit des connaissances pratiques, et pas forcément si évident que ça. Oui, il y a une certaine curiosité naturelle, mais c'est pas forcément évident de trouver quelque chose qui ne la tue pas et permettre en même temps de l'encourager et d'apprendre des choses qui soient quand même ciblées. Parce que c'est quand même le but d'un système scolaire, de ne pas laisser les gens apprendre uniquement par eux-mêmes. On cible quand même un certain nombre de savoirs ou de méthodologies. Ouais, alors, justement, les savoirs qu'on pourrait fixer, tiens, on pourrait se poser aussi la question, bon, la personne est jeune, on lui fait l'école jeune, parce qu'il est capable d'appréhender beaucoup de choses. Et s'il y a bien une chose qu'on est capable d'apprendre jeune, c'est les langues. Et à la limite, tu vois, un truc où là, on pourrait balancer du contenu à mort et du savoir à mort, et voire même faire la plupart des enseignements, c'est dans les langues étrangères. Et je pense que typiquement, à la limite, là, tu as quelque chose où tu peux dire, allons-y, balançons du contenu, balançons du... on apprend 2-3 langues... Si on parle de notre système éducatif idéal, on parle des langues étrangères, je suis assez d'accord avec toi. Je suis aussi d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, à savoir l'importance de l'enseignement de l'histoire. La partie esprit critique, je pense qu'on sera tous d'accord aussi. Je pense aussi qu'il y a un rôle de l'école d'instruction civique qui est en fait quelque chose d'essentiel et qui n'est pas du tout enseigné comme quelque chose d'essentiel à l'heure actuelle. Beaucoup plus que le fait d'une professionnalisation tôt dès le lycée qui, moi, me semble pas forcément pertinente. Voilà. Pas de réaction. Marie ? Oui, je suis toujours là. Vous savez, puisque tu dis rien de tout ce qu'on raconte, là, il n'y a plus que... alors que c'était censé être ton dossier, hein. T'as le droit de répondre. Hein. Oui, bien sûr. Non, c'est juste que la discussion a pris des tours, comment dire... Attendez pas. Un peu désordonnée, en fait. Et du coup, on est resté assez superficiel sur pas mal de questions. Du coup, je ne sais pas vraiment comment réamorcer derrière. Mais bon, on a quand même traité effectivement pas mal de choses que je voulais aborder. Il faudra peut-être faire un tome 2, oui. Sur, par exemple, est-ce que on enseigne vraiment la démarche scientifique au lycée, par exemple ? J'ai pas l'impression. Bon, j'ai pas fait une filière S, mais j'ai pas l'impression que tout ce qui est scepticisme, démarche expérimentale, etc., soit vraiment représentatif de la rationalité scientifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, pas du tout. Et pour moi, tout ce qui est TP est un exemple. Enfin, je ne sais pas comment il faudrait concevoir des TP, mais pour moi, tel que c'est enseigné à l'heure actuelle, enfin, moi, les TP que j'ai eu en lycée, dans quelques matières que ce soit, c'était un échec complet. Et je pense que ça n'avait aucun intérêt alors que ça pourrait être très intéressant. Alors là, tu vois, pour le coup, moi, je vais valoriser l'éducation que j'ai eue. Moi, je me souviens de TP au lycée, par exemple, mécanique, où c'était complètement de la démarche scientifique. C'est-à-dire, on avait une rampe avec une bille et le but était de deviner où la bille allait tomber. Et donc, on faisait nos calculs et on posait un petit saut. Et si la bille tombait dedans, on avait gagné. Et donc, au début, on avait nos armes, on n'avait que la mécanique classique où c'était l'accélération et puis on avait la pesanteur et puis boum, ça tombait. Et bien sûr, on tombait à 3 mètres. Puis après, il y a le prof qui nous dit « Ah, ben, vous avez tous trouvé ça ? Bon, ben, il doit y avoir un truc en plus. » Puis on rajoute le frottement. Ça marche toujours pas, mais un peu mieux quand même. Puis on rajoute l'inertie de mouvement ou je sais pas quoi, etc. Et bon, ben, au bout de 2 heures de TP, petit à petit, on avait réussi à faire tomber la bille dans le seau. C'est complètement de la démarche scientifique, quoi. Je suis d'accord, mais j'ai jamais eu ça. Moi, les TP, ça a toujours été des trucs façon, disons, en bio, dissèque-moi ça. Donc, tu commences par couper là, après, tu fais ça. Donc, tu vois, ce truc-là, c'est ça. Bon, voilà, OK, remballez le truc, jette-moi la blatte à la poubelle et c'est terminé. Et en physique, c'était du même acabit. Mais je pense en effet que l'ETP enseigné tel que tu l'as présenté, Nico, c'est beaucoup plus intéressant. Bon, j'en avais déjà parlé, je crois, mais j'ai eu une expérience plutôt traumatisante d'ETP, notamment en physique et en chimie. Mais je crois que c'est ça qui m'a bloqué là-dessus pendant des années. Mais bon, je pense que c'est parce que, je sais pas, soit ça a été mal fait, soit je sais pas. Mais j'ai eu un blocage et c'était pas que de la mauvaise volonté de ma part, clairement. Parce qu'effectivement, on te dit, c'est ce que tu décris, on te dit déjà avant que tu fasses le truc que tu vas trouver, parce que on te fait pas chercher. Enfin bon, voilà, ce que tu racontes, Nico, effectivement, c'est vachement sympa. Moi, j'ai pas du tout souvenir qu'on m'ait fait le moindre truc se rapprochant de ça. C'est-à-dire que c'était plutôt, t'avais une fiche avec tout le truc que tu devais faire pas à pas, qui était bien décrit. Exactement. Ouais. Et puis peut-être un truc. Alors là, vous avez peut-être plus avoir de chances de l'avoir vécu. Il y a quand même les TP d'électricité qui étaient plus proches de la démarche scientifique. Ouais, moi, je sais pas, j'arrêtais pas de tout péter parce que je faisais pas les branchements comme il fallait. Avec l'oscilloscope où on testait des choses, etc. Ouais, je comprenais rien. Bon. C'était un to-do tel que l'a décrit Robin. Et moi, j'avais vraiment des fiches vous observez ci, vous observez ça. J'avais la même chose avec le prof en plus qui réexpliquait le contenu de la fiche étape par étape. C'était à mourir. Hein. Donc, c'était tout le monde formé. Tout le monde en même temps branchait tel truc à tel endroit. Ok, prenez l'oscilloscope, mesurez, vous allez mesurer, machin. Monsieur, j'y arrive pas. Ok, t'as pas branché le truc correctement. Voilà, enfin, c'était ça et étape par étape. Donc pour moi, ça avait quasiment aucun intérêt. Mais soit. Mais théoriquement, ça peut vous être... Vous avez quand même vérifié expérimentalement la relation entre la résine U égale RI, la tension... Ouais, mais la, tu ne le vérifies pas, c'est ça qui m'énerve. Ça m'énerve. Tiens, mais alors là, ça m'a toujours énervé, quoi. On te dit, c'est ça, tu le fais, tu regardes sur un truc, tu as des valeurs, tu ne sais même pas d'où elles sortent. Et on te dit, tiens, regarde, quand tu divises ça et par ça, tu tombes là-dessus. Robin, quand tu expliques pi, c'est comme ça que tu fais au début. Tu dis, mesure ça, tu dis. Non, et après, je dis comment on fait pour le calculer, pour de vrai. Non, je dis pas, c'est comme ça qu'on le fait pour calculer. Non, je suis désolé. Non, mais je reprends toujours ces exemples-là, mais parce que c'est du truandage. C'est une erreur logique et il n'y a rien qui peut plus me traumatiser que ça. C'est-à-dire qu'on te dit, quand on met tel produit avec tel produit, ça fait un précipité blanc. On te dit, voilà, ça, c'est tel produit. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Tu mets ce produit dedans. Ah, ça fait un précipité blanc. Donc, c'était ça. On se fout de ma gueule. C'est une erreur logique. On n'en sait rien. Il y a certainement d'autres produits avec lesquels ça fait la même réaction. Et c'est vraiment... Mais pour moi, on m'a pourri le cerveau en faisant ça. Et quand on te dit, regarde, sur ta machine magique, que tu ne sais pas comment ça marche, il y a 3 valeurs... Tu prends les 2 premières, tu les divises et ça te donne la 3e. Je suis désolé, mais j'ai rien compris, quoi. J'ai rien démontré, c'est pas vrai. Ça fait partie de ce qui m'a fâché avec la physique et la chimie pendant bien longtemps. Mais quand tu multipliais par le numéro de la page, ça marchait plus. Ça dépend de la page. Voilà. Mais c'est clair que pour moi, voilà, si on prend... Parce qu'il y a tout un truc dans la chatroom sur l'école qui est bien, qui est pas bien. Moi, il y a plein de trucs géniaux, mais moi, si je prends... les trucs bien que j'ai retenus de l'école et j'ai plein de trucs bien. Moi, je viens d'une famille où ça allait très bien, j'avais aucun problème, etc., etc. Mais j'ai eu plein de trucs bien qui me sont restés de l'école au sens large, hein, collège, lycée et tout. Mais certainement pas les sciences expérimentales et en grande partie à cause de ça, je pense. À part ça, j'ai eu des cours de français extraordinaires, des cours de philo extraordinaires, j'ai eu quelques cours de maths extraordinaires, mais très peu. Voilà, mais clairement, la physique et la chimie, ça a été pour moi la catastrophe parce que c'est justement, on t'impose un truc en te disant c'est comme ça que ça se passe et on. Jamais on remet ça en doute, jamais on t'explique qu'on peut vraiment chercher et trouver que ça marche comme ça. Irène, aurais-tu quelques questions de la chatroom ? Alors, il y a eu des questions, mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus des commentaires que vraiment des questions. Il y en avait une, la première vraiment question, c'était selon mon prof de philo, est-ce que Sartre était bien le premier philosophe qui fut vraiment uniquement littéraire ? Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une question, mais... Ça se pose comme une question. Qu'est-ce que ça veut dire littéraire, quoi. Je ne comprends pas trop la question. Pardon, j'ai peut-être mal formulé. Je pense qu'elle voulait dire... C'est vrai que Sartre dénigrait fortement les sciences, en fait. Il les méprisait même. Et la question, c'est de savoir est-ce que c'était vraiment le premier philosophe qui dénigrait les sciences. Improbablement, c'était... oui. C'est peut-être même le seul. Enfin, c'est quand même pas une attitude très répandue en philosophie de dénigrer les sciences, sachant que c'est la principale source d'inspiration de la philosophie, même aujourd'hui. Je sais pas si c'est le premier ni si c'est le dernier, mais en tout cas, c'était à ce titre, c'était une exception, effectivement. Après, on a eu Puyo qui demandait pourquoi ne pas classer comme en couleur avec des pourcentages, genre 20% de physique, 30% de maths, etc., ce qui donnerait un chiffre nominatif. Bah, faut déjà qu'il y ait des catégories fondamentales indiscutables pour ça. Mais sinon, ça rejoint un peu la proposition des tags dont parlait Nico. Ensuite, il y avait une question de Pascal, je ne me souviens plus du contexte, qui nous demandait le problème, c'est que si on veut atteindre un certain niveau dans un domaine donné, il peut être judicieux d'avoir un cadre. Alors, je pense que le mot domaine et cadre sont pas pertinents, non ? Je vais paraphraser volontairement et je vous laisserai commenter. Moi, j'ai l'impression que pour atteindre un certain niveau dans un domaine donné, il faut savoir sortir du cadre. En fait, dans les faits, quand t'atteins un niveau dans un domaine donné, tu restes la tête dans le guidon dans ce domaine. En effet, tu lis plus que des papiers dans ce domaine-là, etc. Et donc, il n'y a pas besoin d'être dans un certain cadre, tu t'y mets toi-même. Et ce qui est très dur, justement, c'est de savoir prendre du recul et aller choper autre chose. Moi, je trouve, dans ma pratique et dans la pratique que j'ai pu avoir. Si, t'as raison. Mais bon, t'avais aussi critiqué, quelque part, la notion même de domaine. Non, mais c'est bien dans ce sens-là. En fait, honnêtement, c'est dans ce sens-là que je l'ai critiqué. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas besoin d'imposer un domaine parce qu'au moment où il y aura besoin de se concentrer, on sait très bien le faire, voire même on le fait trop. Donc autant avoir une ouverture le plus longtemps possible et de toute façon, du fait d'avoir du fonctionnement par maître, du fait d'un fonctionnement d'une thèse ou d'une réflexion longue, du fait d'une recherche tout bêtement, la plupart des recherches prennent du temps, prennent plusieurs mois, plusieurs années et souvent là on est un peu la tête dans le guidon sur un sujet, sur deux, trois sujets. Donc il n'y a pas besoin de, dès le début, se focaliser quoi. Et c'est des sujets dont je parle, hein, pas des domaines. Ok. Voilà, en fait, au niveau des questions, c'était tout. Beaucoup de commentaires, hein, énormément de commentaires, mais au niveau des questions, c'est tout. Voilà. Petite note du monteur, la discussion qui va suivre faisait initialement partie de l'after. Néanmoins, étant donné qu'elle est, je pense, assez intéressante, j'ai choisi de l'intégrer juste après le débat auquel elle fait suite. Vous excuserez par contre si jamais elle est un petit peu décousue à certains moments, c'est qu'on n'avait pas exactement l'intention de la diffuser quand on l'a enregistré. Alan, dis pas des trucs comme ça. Je serais complètement réconcilié avec l'école quand les cours de théâtre compteront autant que les maths. Je sais pas si c'est une bonne idée, encore une fois. Hein. Toi, tu vas finir avec des trucs où tant que tu sauras pas avoir une diction parfaite, t'auras pas ton cours de théâtre, quoi. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Fais gaffe que ça aille pas dans la mauvaise direction, quoi. Si ça devient la discipline de sélection, t'es dans la merde. C'est vrai, ce serait forcément dénaturé. Bah ouais, non mais attends, tu crois que pourquoi tout le monde déteste les maths? C'est ma dernière illusion concernant l'école, merci Robin. Mais non, moi je trouve que c'est pas ça, c'est juste que l'école ça me réintéressera, enfin en plus déjà c'est pas inintéressant, faut arrêter les conneries parce que quand même, je croise quand même suffisamment de profs et d'instituts pour savoir quelque chose de passionnant qui se passe là-dedans. Et de toute façon les enseignants aussi sont, pour beaucoup, sont vachement en demande, enfin en tout cas les profs de maths ils sont vachement en demande de redonner du sens, de prendre plus de temps, de... Globalement, ils trouvent que les programmes sont trop chargés, du coup, ils sont obligés de courir et ils se rendent bien compte, je veux dire, ils sont pas cons, les profs, qu'il y a des trucs, bah, le chapitre est terminé, donc on passe, mais on comprend bien, on voit bien que personne n'a rien compris. Enfin, c'est pas agréable. Je suis contre. Ah oui, pardon, on avait oublié. Non! Si je pense qu'il faut aller plus loin, il faut supprimer l'école. Mais moi, la grosse question que j'ai, moi, c'est pour le collège, où j'ai l'impression que c'est un âge où c'est compliqué. De toute façon, t'es en groupe, t'es con à cet âge-là, quoi. Il y a un truc. C'est dur parce qu'il faut quand même donner une connaissance de base. Hein. Mais ça, je suis bien d'accord. Et d'ailleurs, je vois Georges Macky qui dit qu'il trouve que notre approche de l'enseignement est vachement élitiste. Je pense vraiment pas, sincèrement, parce que je me suis posé ce genre de questions, mais je pense vraiment sincèrement pas. Je pense juste que c'est comme pour le métier. Je veux dire, moi, clairement, la formation que j'ai eue pour faire le métier que je fais maintenant, C'est une formation où on m'a ouvert des portes, on m'a montré qu'il y avait plein de trucs d'intéressants, on m'a dit « tiens, c'est intéressant de se poser des questions ». Par exemple, dans ma formation journalisme scientifique, il y a eu un moment où on m'a dit « ça serait intéressant de se demander pourquoi on fait de la vulgarisation ». Et qu'est-ce que ça a comme influence pour de vrai ? Qu'est-ce que ça a comme effet pour de vrai de faire de la vulgarisation ? Eh bien, je pense que c'est vachement plus important qu'on m'ait posé cette question-là, plutôt qu'on ait passé deux fois plus de temps à essayer de m'apprendre à écrire des articles, parce que de toute façon, t'apprends en le faisant, quoi. Et tu te plantes fatalement quand t'arrives dans la vraie vie, dans un vrai journal, quoi. Je suis tellement d'accord. Par contre, me demander ce que ça veut dire faire de la vulgarisation, ça, ouais, c'était le moment de le faire, parce que ça, par contre, on me le redemandera plus quand il s'agira de vendre un papier, quoi. Et ouais, bien sûr. Faut plus de philo, quoi. Bah, c'est pas nécessairement que de la philo, je veux dire, c'est des ouvertures, j'ai eu des cours de sociaux, j'ai eu des cours d'histoire, putain, mais c'était génial, quoi. J'ai l'impression que... De manière générale, moi, je trouve qu'il y a absolument pas assez d'histoire au lycée, au collège, mais d'histoire autre que l'histoire de France. J'ai l'impression d'avoir vu quatre fois l'histoire de France et d'avoir jamais vu autre chose. J'ai l'impression que chacun va voir les disciplines qu'il aime bien lui manquer, et c'est ouais. Pas... on va pas être d'accord, et enfin, tu vois... Vu comme j'étais au moment du collège, tu m'aurais fait 100% de littérature, j'aurais été très content. J'avais aucun problème, j'avais vraiment pas besoin du reste, globalement, quoi. Mais je pense que, faut penser un peu aux autres aussi, quoi. Et que, ouais. De toute façon, tout le monde est différent. Mais par contre, je pense qu'à partir du moment où t'as un prof qui est vraiment passionné par ce qu'il te transmet, bah, il va avoir quelque chose qui va passer mieux. À partir du moment où on se préoccupe de ce qui, toi, t'intéresse, ça va passer mieux. Donc je pense que c'est des choses qui devraient être prises en compte et qui ne le sont absolument pas. Moi, je ne suis pas sûre que ce soit pas du tout pris en compte. Je pense qu'il y a beaucoup... La plupart des profs, je pense qu'ils sont quand même... Ils partent d'un bon sentiment. Ils essaient vraiment de faire leur mieux, leur possible. Je tape pas du tout sur les profs en disant ça. Moi, je tape sur le fait qu'il y a un programme extrêmement chargé. Voilà, il y a un programme qui fait que tu ne peux pas en dévier. Tu sais que si tu en dévies, tu vas devoir aller encore plus vite sur du reste. Si tu fais un truc hors programme, c'est à toi de te démerder derrière pour rattraper ça. Alors que si tu fais un truc hors programme, c'est que c'est un truc qui t'intéresse. Je veux dire, donc je suis pas pour du tout recherche, je suis pas pour du tout programme libre, etc., etc. Parce qu'effectivement, ça serait élitiste et ça serait vachement dégueulasse parce que ceux qui ont pas les bases de chez eux, etc., etc. Ils seraient pas armes égales, mais de toute façon, ils le seront jamais armes égales. C'est un autre problème. Mais donc, je pense qu'effectivement, faut se préoccuper de ça. Mais dire que l'État, le ministère, machin. Réfléchis, et c'est pour ça que j'étais vachement que je me posais des questions, mais sincèrement, sur ce que ça voulait dire, Marie, ce que tu racontais, sur les implications que ça avait, dire que on peut rationnellement trouver des systèmes efficaces, bien carrés, qui font sens, je sais pas, j'y crois pas, quoi, ça marche pas comme ça, c'est des humains, et les profs et les élèves, c'est des humains, ça marche pas rationnellement. Ouais. Oui, d'accord. Enfin, le truc, c'est que moi, ma réflexion, elle était en fait beaucoup plus pratique que ce qui en est ressorti. C'est-à-dire que quand je parlais de réflexion sur la manière d'organiser les domaines, qu'on parle de discipline ou pas de discipline, c'était vraiment dans la perspective de résoudre des problèmes. Donc, il y a le problème de l'éducation, de l'instruction, etc. Il y a aussi des problèmes purement scientifiques où, quand j'ai parlé du GIEC, par exemple, pour organiser le GIEC, avoir des prédictions efficaces sur les futurs modèles climatiques, il faut faire collaborer des gens qui viennent de disciplines différentes, quel que soit le nom de cette discipline, effectivement, mais il faut quand même organiser l'affaire et qu'est-ce qu'on fait et comment l'améliorer. C'est vraiment ça, en fait, qui me semble intéressant. En dehors des catégories formelles, en dehors des étiquettes, certes, en dehors de l'arbitraire théorique, certes, mais à un moment donné, il faut quand même rentrer dans l'art et se dire qu'il y a une grande plasticité entre les types de réflexions et entre les communautés scientifiques. Ça n'aide pas forcément à avancer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si j'ai tout complètement bien suivi, mais j'ai l'impression que le GIEC, l'essentiel, c'est des gens qui ont envie de réfléchir à ce problème-là, qui viennent de profils variés et qui vont aller chercher éventuellement, si la personne n'est pas là, une personne qui a le truc qui leur manque. Comment ils savent ce qui leur manque s'il n'y a pas un minimum de structure, en fait? Qui a donné la structure? C'est des gens qui réfléchissaient déjà au problème. Donc, ça veut dire que ça se fait. Je vais te redonner l'argument que j'ai donné avec les moteurs de recherche. C'est que je pense que la structure, ça passe pas forcément par de la classification. Ça passe par de l'organisation. Je suis pas d'accord avec toi sur un truc. Les tags, c'est aussi de la classification. C'est juste une classification différente. Tu classes aussi par tag. C'est pas moins de la classification. Oui, mais c'est une classification fondamentalement différente parce que ça veut dire que tu ne peux plus parler de domaine. Ça veut dire que tu peux plus parler de groupe en tant que tel. Mais je suis d'accord avec toi que c'est une classification qui semble, au vu de, du panorama la, que Marie a dressé de la recherche à l'heure actuelle, plus adapté que les catégories non intersectantes. Oui, mais c'est aussi une classification. Ah oui, mais je veux dire, c'est une indexation. C'est, pour moi, c'est là où je mettais cette image-là. C'est la différence entre de dire je vais faire un annuaire et je vais faire un moteur de recherche. Et aujourd'hui, moi, j'utilise mon accès à la recherche et j'ai l'impression que dans le monde de la recherche, même avant les moteurs de recherche, ça se faisait comme ça. Les gens dans les bibliothèques, etc., cherchaient des informations et ne fonctionnaient pas comme en cherchant dans des tiroirs, quoi. Et du coup, comment tu fais pour vraiment chercher une information Je vais sur Google. Non mais d'accord, mais qui est dans un domaine qui t'est complètement inconnu, sachant que tu n'as pas forcément les connaissances pour pouvoir en évaluer la pertinence, savoir qui parle, savoir d'où la personne parle, comment tu fais s'il n'y a pas un minimum d'organisation et disons de moyens de trouver la solution. Et ce qui est sûr, c'est que plus c'est loin de ce que je peux faire, plus ce sera compliqué à arborer. Mais après, tu n'en as pas les connaissances, il y a plein de choses dont tu n'as pas les connaissances. Et la plupart des choses, quand tu t'y mets, tu n'as pas les connaissances. C'est discutable ça. La plupart des nouvelles choses, oui. T'as aucun moyen de calculer l'étendue de ton ignorance, de toute façon. Bah justement, donc tu le fais en toute inconscience et ça se passe bien. Je suis pas sûre que ça marche toujours aussi bien. Pas toujours, mais enfin, c'est là où moi je suis pour une valorisation de l'échec à l'école, pour expliquer que c'est pas grave si ça se passe pas toujours bien. Parce qu'il y a des fois où ça se passera bien. Et comment tu ferais concrètement pour valoriser l'échec à l'école? J'aime bien les choses vraiment pratiques, vraiment concrètes, avec des exemples. Ouais, mais avec des exemples, c'est pas de rendre des mauvaises notes en disant « c'est dommage, tu t'es raté ». C'est de mettre ça en valeur, et à la limite de faire passer l'élève, je sais pas sous quelle forme, mais de mettre ça en valeur, de reprendre cette erreur-là, d'expliquer pourquoi c'était des erreurs importantes à faire, de les partager avec eux. Parce que ça, je suis assez d'accord sur le fond. Par contre, d'un point de vue pratique, un prof avec une classe de 35 élèves, le problème, c'est qu'il faut des outils pour uniformiser l'enseignement, là-dessus, il n'y a pas de problème. Parce que l'idée même d'une erreur, de toute façon, dans des épreuves du type contrôle et compagnie, c'est que les erreurs étaient prévues et c'est intéressant de les faire. Donc, c'est valorisant pour tous les élèves de découvrir les erreurs des autres et d'apprendre ce qu'il fallait faire. Parce que s'ils ne les ont pas fait, c'est souvent de la chance. Ça, justement, typiquement, ce pouvoir, si tu veux, évaluer à l'avance les erreurs que les élèves vont faire et pouvoir anticiper la démarche à avoir, ça peut se faire facilement, je pense, en maths, en physique, etc. Par contre, en philo, en français, donc dans toutes les matières qui sont vraiment liées profondément au discours, les pièges existent. J'enseigne le français, je peux te dire que c'est très difficile. Et tu ne sais pas faire des pièges à tes élèves en français? Si, je sais faire des pièges à mes élèves, mais je peux pas prévoir de manière... Même pas sur certaines. Tu vas avoir l'expérience au bout d'un moment. Déjà, c'est une bonne chose que tu puisses pas prévoir, parce que toi aussi, tu vas apprendre au fur et à mesure à adapter ton discours, à adapter ce que tu fais, et tu vas découvrir des erreurs. Mais au fur et à mesure, la plupart des erreurs, tu vas les connaître à l'avance. Pas des erreurs de méthode, c'est aussi des problèmes d'idées, d'imagination. Quand tu fais faire un exercice d'invention à tes élèves, ou quand tu leur apprends à dérouler une argumentation, il n'y a pas de choses qui sont vraies ou fausses. C'est juste. Ça, je suis complètement d'accord, mais ça, c'est juste un savoir. Oui, c'est très bien, je suis d'accord. Il faut insister là-dessus, justement. Je suis bien d'accord, il faut apprendre un savoir-faire. Et apprendre un savoir-faire, si tu veux, tu ne peux pas à la fois apprendre un savoir-faire pour tout le monde et dire en même temps, je vais prendre chaque élève au cas par cas, valoriser ses erreurs. Je n'ai pas dit que je vais prendre au cas par cas, j'ai dit que je vais valoriser le fait de faire des erreurs. Ça ne veut pas dire le faire au cas par cas et tout ça, c'est de mettre en avant ça, de mettre en avant ça. C'est difficile ton à mettre exemple, en place ce que tu dis. Hein. Ton, exemple de tout ton exemple de tout à l'heure, Nico, c'était plutôt expliquer pourquoi, donc au cas par cas, telle ou telle erreur était intéressante, pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas la faire et pourquoi est-ce que c'était normal de le faire. Mais pas pour toutes les erreurs, pas systématiquement, pas pour toutes les erreurs tout le temps, mais de le faire beaucoup plus qu'aujourd'hui, tu mets beaucoup plus en avant les bonnes notes que les erreurs. Ou les bons élèves que les mauvais élèves. Mais plutôt que des erreurs et des pièges, parce que je déteste l'idée du piège vraiment profondément. Par contre, l'erreur, ça m'intéresse. Et effectivement, tu vois, puisque tu parles du français, et je pense que ça serait applicable à beaucoup plus de disciplines que juste le français. Et justement, ça serait plutôt ça qui m'intéresserait partout. Ça serait de dire, tu essayes d'écrire un texte policier, par exemple, et je pense que ça rejoint ce que dit Nico sur le statut, le fait de valoriser les erreurs. Tu dis, par exemple, voilà, les gamins, là, tu leur dis, hop, faut écrire un texte policier, une intrigue policière. Et puis tu lis les textes, puis il y en a, tu flippes, il y a une ambiance, il y a un machin, et puis d'autres, non. Et tu décortiques. Et ça, décortiquer le texte qui marche pas pour comprendre pourquoi il marche pas, c'est vachement intéressant, et d'une certaine manière, oui, c'est décortiquer une erreur. C'est un raté. Et alors, moi, je vais te dire, un des meilleurs exercices. Ça, je pense que les profs le font déjà. Enfin, moi, en tout cas, je le fais déjà. Un des meilleurs exercices que j'ai eu d'un excellent prof, alors c'était certes des maths. On avait une première question dans un travaux dirigé, donc on était en classe. Bon, voilà, première question. Et la deuxième question, c'était expliquer pourquoi ce que vous avez fait dans la première question est fausse. Est faux. Alors, je peux te dire qu'il faut avoir une sacrée expérience pour faire ça. Mais c'est génial parce que non seulement il te dit, bon, t'as fait la même erreur que tout le monde fait cette erreur-là. Et du coup, t'es obligé d'avoir un second regard sur ton résultat avant même que lui l'ait regardé. C'est-à-dire, tu te dis, merde, mais j'ai peut-être pas faux. Et tu te dis, bon, allez, je suis celui qui a pas eu faux, j'en sais. C'est ce genre de truc, tu vois. Et là, typiquement, ça te dit, c'est normal, c'est dans le cadre de l'exercice qu'il faut faire une erreur. Et déjà, c'est un pas vers dire, c'est pas grave, quoi. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de profs qui le font déjà, mais enfin, moi, en l'occurrence, je le fais beaucoup. Il y a quand même Damien là sur la chatroom qui dit qu'ils le font déjà à l'école, que c'est exactement ça qu'il faut à l'école. Mais c'est juste, moi, je suis frustré parce que c'est pas un truc qui se fait en maths et ça devrait. Ça laisse beaucoup quand même au talent du prof, quoi. C'est-à-dire que c'est très bien qu'il y ait des profs avec du talent, etc. Mais il y a un moment donné où il faut quand même organiser l'enseignement global et j'aimerais pas avoir à le faire personnellement. Et les gens qui le font, ils sont obligés de réfléchir sur les buts, sur les structures. Je vois pas comment faire autrement. Moi, je t'en ai parlé de buts, hein, qui ne mettent pas en jeu des domaines. Ouais, mais ça reste vague quand même. C'est-à-dire que il faut dérouler une année scolaire sur les détails de ce qui est en jeu, etc. Ouais. Typiquement, valoriser les erreurs, c'est intéressant, mais il faut les valoriser par rapport à quelque chose. Il faut les valoriser, par exemple, dans des domaines. Alors, pour si dire un gros dans le gras, je pense que le principal problème pour rénover un peu le système d'éducation nationale, c'est que si tu veux changer un peu radicalement les choses, le problème, c'est que chaque prof a sa compétence qu'il considère être son unique compétence dans un domaine particulier. Et du coup, tu vas avoir du mal à casser les domaines parce que le prof de français va dire « Non, non, mais moi, je peux faire que du français, éventuellement de la philo, mais je ne vais pas vous faire des maths ou de l'histoire géo. » Le prof de maths va te dire « Ah non, non, mais moi, je ne vais pas faire de la physique, je suis prof de maths, etc. » Donc, c'est sûr que tu vas avoir du mal à casser les domaines parce que tu as des humains qui, eux-mêmes, sont pas dans cette logique à se dire bah, « je vais aller un peu hors de mes sentiers battus et je vais accepter d'apprendre une nouvelle chose ». Alors comment tu les sens, ces enseignants ? Ou de valoriser les trucs qu'ils savent, parce qu'évidemment qu'ils sont intéressés par d'autres choses. Mais oui, en plus, je sais. Et ça, je pense qu'on est tout à fait d'accord sur le fait de rendre les ponts entre les savoirs les plus fréquents, les plus riches possibles et les plus intéressants possibles pour perturber, entre guillemets, les élèves, pour les obliger à inventer des nouvelles solutions. Ça, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Mais c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu vas enseigner aux enseignants, quoi ? Est-ce que tu vas leur enseigner plusieurs domaines ? Est-ce que tu vas leur enseigner des sciences de la nature et des sciences humaines ? C'est là, on est vraiment au cœur de ce que aborder. Au cœur, moi, pour moi, l'important, ce n'est pas le domaine. C'est que, justement, pour le coup, l'enseignant, il est là pour donner envie à l'élève d'aller apprendre, d'aller avoir à apprendre. Donc, je préfère encore, si j'ai un Robin qui dit qu'il fasse du théâtre et des maths, c'est là où il sera le meilleur pour donner envie aux élèves. Très bien, mais ça reste encore très très bon, quoi, comme programme. Bah non. Donner envie, ouais, c'est super, mais. Mais non, mais c'est qu'après, l'épreuve. Et puis, j'en sais rien, tu pourrais trouver des trucs qui vont pas. Si jamais t'as un prof qui est passionné par les armes à feu et qui veut. Non, après, il y a une David, il y a une histoire d'égalité après. Il n'y a pas de problème comme ça, parce que ça, c'est très facile à régler. Vous êtes d'accord avec l'enseignement. C'est vachement intéressant, mais c'est vachement intéressant de fabriquer des armes à feu, putain, mais allons-y, quoi. Et c'est là où tu dois faire une épreuve, du coup, en effet, pour juger de ça qui est beaucoup plus transversal, où tu ne vas pas préjuger de domaine. Voilà, donc l'épreuve pour les armes à feu, tu demandes aux élèves de tuer quelqu'un. Non, désolé. Non. C'était trop bon de continuer de filer la métaphore. Et tu sais, ce dont on parle là, c'est un peu ce qui se passe en art plastique. En art plastique, le cadre n'est pas du tout clair. Et les épreuves et le fait de donner des notes est quand même possible et on compare les notes d'établissement à établissement. Pour autant, l'enseignement d'art plastique est beaucoup plus libre. Les profs font selon leurs compétences et selon ce qu'ils savent. C'est-à-dire, si tu as un prof qui a plus de compétences en peinture, il va te faire de la peinture, un autre, il va te faire un peu de sculpture. C'est aussi le problème, c'est-à-dire que tu peux tomber sur n'importe quel prof, c'est-à-dire que tu peux tomber sur un prof nul. C'est déjà le cas. Mais c'est tu peux déjà tomber sur des profs nuls. On ne dit pas que c'est pas le cas, c'est de la mauvaise foi de dire que. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pas le cas, j'ai juste dit que ta méthode ne va pas forcément améliorer les choses, en fait. Si au prof, enseignez ce que vous aimez, tu as quand même une chance. Que déjà, ils se lassent moins vite qu'en leur disant enseignez ce que nous on a décidé pour vous. C'est vrai, mais moi j'ai un LJJ par exemple qui est blogueur qui fait des sujets géniaux dans son blog qui me dit ah non, j'en parle jamais en cours parce qu'en cours j'ai un programme, je peux pas faire autre chose. Ah oui, d'accord, il me semble que la contrepartie à ça, c'est vrai ce que tu dis, mais la contrepartie à ça, c'est que l'élève n'a aucune idée en prenant des cours d'art plastique, moi j'ai pris une option art plastique avec une prof qui était passionnée, qui m'enseignait un truc qui l'intéressait vachement, mais qui ne m'intéressait absolument pas. Alors que d'autres domaines, d'autres sous-domaines de l'art plastique auraient pu m'intéresser. Et ça, je ne pouvais pas le savoir avant de... Excuse-moi, mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Ce qui est un peu gênant. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Est-ce que tout ce que tu as appris à l'école, ça t'a passionné? Il y a des trucs qui m'ont intéressé, ouais, l'histoire, ça m'intéressait. Non, mais oui. Mais je suis d'accord avec vous. Tout l'aspect sur mauvais prof, bon prof, etc., je suis d'accord. Mais ça, c'est... un élément en plus. Après, je suis plutôt d'accord avec vous, hein, donnons de la liberté aux profs, etc. Mais il y a quand même une... Ce sera pas pire. Pour moi, ce sera pas pire que maintenant, en fait. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr. On fait tous un constat pessimiste selon lequel l'école est un petit peu nulle en l'état des choses. Des qualités, hein, mais... Oui, il y a des qualités, mais bon, c'est quand même extrêmement perfectible, tellement perfectible que on peut quand même être mécontent. Enfin, en tout cas, moi, je suis assez mécontent de ce que je vois dans les écoles. En même temps, est-ce qu'on peut pas rendre les choses pires? Si, on peut les rendre pires de plein de façons. Et en l'occurrence, une des seules choses qui tient à peu près encore, c'est que les élèves, ils arrivent à peu près à se repérer entre autres, des domaines de la connaissance, quoi. Vaguement. Ouais, des domaines qui sont faux. C'était le postulat de départ de ton cours. Oui, ils sont faux. Laisse-moi finir. Qui sont faux, mais qui leur donnent à peu près une destination. Mais non, c'est pas vrai non plus. Ça ne leur donne pas. C'est quoi la destination? Bah, la destination, c'est au moins de passer quelques. Enfin, au moins d'aller jusqu'au bac, d'avoir au moins quelque chose, si tu veux, en termes de capitalisation, de diplôme. Ça sert à rien sur le principe. C'est quoi la destination et le diplôme? Alors, le diplôme, c'est quoi? Au moins, quand tu arrives à ton bac, ensuite, tu peux faire des trucs après. Tu peux te tromper plein de fois, mais tu peux des trucs après. Non, le bac ne t'ouvre rien, il t'ouvre la porte. Il t'ouvre la porte. Oui, donc ça n'est pas un diplôme, dis pas que c'est un but. D'ouvrir des portes, un but en soi. Il y a plein d'élèves qui abandonnent la scolarité à 11, 12, 13, enfin, qui abandonnent la scolarité très très tôt, alors que... Ils n'abandonnent pas la scolarité très tôt, c'est pas parce qu'ils se disent, tiens, j'ai un but, c'est le bac. C'est pas les mêmes. Pas que de leur volonté à eux, c'est aussi à cause de la pression sociale qu'il y a autour, mais quand même, l'organisation fait que il y a un but qu'on comprend pas trop qu'il faut atteindre et la plupart ils l'atteignent. Je suis pas d'accord avec ce que dit Nico là. Pour le coup, moi en ayant fait mes études dans un établissement privé élitiste à Neuilly, le bac était quand même un but intermédiaire. Enfin, quand on était au lycée, on nous rabâchait sans arrêt la tête avec. Alors c'était peut-être parce que le lycée en question voulait garder son pourcentage de réussite au bac, mais on n'arrêtait pas de nous bourrer le crâne sur le fait que c'était une étape importante le bac. C'était quand même un objectif intermédiaire qui débouche sur pas grand chose. Je parle pas du fait qu'on t'ait bourré le crâne, ça j'en ai aucun doute. Je te demande si t'as des élèves qui vraiment ils se sont dit bon allez, je fais jusqu'au bac, c'est vraiment l'objectif quoi. Dans mon lycée, personne ne se disait qu'il allait s'arrêter après le bac. Non, mais pas s'arrêter. Est-ce que c'était un objectif fort? C'est-à-dire ils se disaient il faut que j'y aille. Bah oui, je sais pas. Même dans ce lycée-là, t'as tout un tas de personnes qui étaient susceptibles de pas l'avoir du premier coup, le bac. Ça, mais moi aussi, dans le lycée où j'étais, il y en avait. Ce que je dis, c'est que ces gens-là que j'ai croisés, le but était de... Ils se disaient, moi, je veux avoir le bac pour après faire tel métier. Mais le bac n'était pas un but en soi. C'est ce que je disais il y a deux secondes et tu m'as dit que c'était pas ce que tu voulais dire. Oui, je pense qu'il y a peu de personnes qui se disent je vais avoir le bac et après je m'arrête. Je suis d'accord avec toi. Mais le fait que le bac soit un objectif et une étape pour aller vers autre chose après, qu'est-ce que c'est qu'un objectif? Est-ce qu'on a des objectifs dans ce cas-là? Je veux faire tel métier. Et là, je l'ai senti. Donc, je veux dire, je pourrais te répondre dans ce cas-là que l'université, enfin, mettons que tu veux être, je sais pas, archéologue, tes études d'archéologie ne sont pas un objectif parce que tu n'es pas encore archéologue. C'est le même discours que tu es en train de me tenir là. L'objectif, c'est être archéologue. Les études c'est un moyen. Tu joues sur les mots, quoi. Tu contredis pas ce qu'on disait tout à l'heure avec ça. Il n'y a pas d'objectif. C'est-à-dire qu'en soi, le bac n'est pas la chose motivante. Le boulot qui te fait lever le matin, c'est le fait de vouloir avoir un boulot, c'est le fait de vouloir partir de ses parents, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas le bac. Est-ce que les gamins, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire? Non, la plupart, ils savent pas ce qu'ils veulent faire avant d'avoir eu un minimum d'instruction et de formation. Et du coup, le bac... Même en l'ayant eu. Le bac, c'est pas un objectif en soi, mais c'est l'objectif de la sécurité, c'est-à-dire je vais aller jusque-là, et ensuite je comprendrai mieux ce qui se passe, quoi. Et je pense que c'est vraiment ce que se disent beaucoup, beaucoup d'élèves. Ils savent pas ce qu'ils veulent faire, il y a dans le meilleur des cas, il y a plein de choses qui les intéressent. Dans le pire des cas, il n'y a rien qui les intéresse parce que l'école les a aidés ou les a pas aidés, peu importe. Mais il y a un moment où le diplôme a une fonction symbolique qui fait que, bon, ben, c'est une porte ouverte, il faut que je l'apprenne absolument, sinon j'ai rien, quoi. Et Du coup, je pense que ça reste une des choses qui est importante, que l'école réussit à faire, malheureusement, à cause, avec la pression sociale, avec comment dire, l'objectif de la performance à tout prix, etc., elle le fait mal, mais ça subsiste. Et du coup, si t'enlèves vraiment ce genre d'objectif, et si t'enlèves en plus les catégories disciplinaires telles qu'elles existent, il faut vraiment pouvoir les remplacer de manière efficace. Et pour l'instant, dans tout ce que tu m'as dit, j'ai pas l'impression que t'es capable de les remplacer de manière efficace par une autre solution, en fait. Ouais. j'ai pas suivi, alors que j'ai l'impression que j'étais d'accord avec Nico, et là j'entends qu'il est à bout d'arguments, ça me fait chier. C'est tard, c'est que lorsque. Ouais, voilà, il se fait tard. Je pense qu'on n'est pas sur le même cadre, c'est-à-dire que. Non, moi, mais je pense que moi, je te présente... juste pour reprendre ce que t'as dit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire, ça c'est clair, mais que dans ce cas-là, c'est quand même bizarre de leur proposer un bac pro alors qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire, parce que généralement c'est les voies, voilà, ou de leur proposer de faire des disciplines qui soi-disant laissent tout ouvert alors qu'il n'y a pas plus de raison que ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui savent ce qu'ils veulent faire et qui disent, bah, je suis obligé de passer par les maths. Il se trouve qu'il faut que je passe par des études avec des maths dedans pour avoir les diplômes que je veux. D'une certaine manière, moi, c'était mon cas, hein. Je veux dire, à partir du moment où j'ai fait le choix de S, bon, bah, je me suis dit, bon, bah, que j'allais faire des maths plutôt que du français, alors que, bon, ou de la littérature ou de l'histoire ou je sais pas quoi qui me plaisait bien. Mais il fallait absolument que je fasse 2 ans de physique parce que j'avais pas le choix, quoi. Et d'une certaine manière, j'ai fait ça parce que j'avais pas le choix et parce que c'était pour avoir l'objectif de, après, pouvoir me passer de la physique. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font ce genre de choses. Et c'est un peu débile, quoi, même, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ça que tu disais, Nico, en gros. L'aspect objectif en soi et objectif pas en soi. Enfin, voilà. Moi, mon objectif en soi, d'avoir une note. J'ai l'impression que les indécis, enfin, c'est là où je veux pas, enfin, il y a un moment, de toute façon, de faire arrêter, mais, enfin, pour moi, il y a en effet la catégorie de personnes qui est, je suis complètement indécis et j'aime tout. C'est une catégorie qui, en général, a plus de facilité à l'école et qui peut se permettre de se dire ça. Ceux qui, justement, sont à se dire, le bac est un objectif, je l'aurais peut-être pas. Sont pas des gens qui ont le luxe de se dire « Ah, ça j'aime pas, j'ai envie de tout pouvoir garder », tu vois. Et ils ont plus un objectif de métier, enfin, en tout cas de ce que j'ai écouté. Et donc, c'est exactement ce que tu dis, ils sont bloqués. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je connais, j'ai un certain nombre d'exemples de gens que je connais qui ont eu éventuellement des soucis à avoir leur bac et qui étaient des gens qui avaient des intérêts très divers, qui ont fait de brillantes études après et qui... Et qui voulaient faire quoi ? Qui savait pas du tout ce qu'il voulait faire et qui était intéressé par plein de trucs. Soit. Mais bon, je suis juste pour faire la révolution. Après, si vous voulez juste faire une évolution, c'est votre problème. Je vais le dire très rapidement. En vrai, ta révolution me semble potentiellement intéressante, mais il faudrait la préciser. Mais voilà. Je suis assez d'accord avec vous. C'est pas ce que je veux, hein. C'est pour ça, hein, le problème. Je sais pas. Moi, j'ai pas de solution à vous proposer, hein. Si j'avais une proposition, ça serait déjà fait depuis un moment, hein. Non, mais je veux dire, c'est vrai. J'ai juste l'impression que. C'est trop dans une direction actuellement, quoi. Après, savoir comment on s'en dépatouille, je sais pas, mais... Bon, bah voilà. Mais du coup, Marie, je sais pas si... Mais je pense que si tu veux revenir, je pense qu'il y aurait de quoi, mais faut effectivement qu'on arrive à rester plus dans un cadre. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est le genre de sujet qui déchaîne les passions parce qu'on est tous passés par l'école, on a tous trouvé ça plus ou moins désagréable et Moi j'étais plutôt bien à l'école, hein, je veux dire, j'étais t'as très eu de scolaire. La chance, hein. T'as eu de la chance. Non, j'étais bien. Attends, j'étais bien à l'école sauf au récré. Donc si tu veux, c'est pas spécialement de la chance, c'est pas. Oh, qu'est-ce qu'on t'a fait au récré, Robin ? Non, mais moi j'étais très scolaire, j'avais une bonne mémoire, une bonne capacité de concentration, donc du coup j'étais extrêmement scolaire. Attends, t'avais une bonne capacité de concentration, toi ? Exactement, je l'avais, j'ai bien c'était, changé. C'était Robin qui parlait, le prof l'écoutait, et Robin était très concentré sur ce qu'il disait. Vous êtes des enfoirés, j'ai pas beaucoup parlé là, je vous ai quand même beaucoup laissé parler ce soir. Alors c'est vrai, t'as été raisonnable, je suis d'accord. Je crois qu'on a la chatroom la plus longue du monde. Hein. Et est-ce que toi, ça t'a intéressé, Marie ? Parce que t'as peut-être trouvé ça casse-couille, c'est pour ça que t'as pas parlé après. Ah non, pas du tout, non, c'était intéressant de... Ça t'a plu de faire l'épisode ? Bien sûr, c'était intéressant de voir les points de vue de scientifiques issus d'une discipline particulière sur ce que devrait être une discipline, et j'avoue que je m'attendais pas du tout à ce genre d'arguments, j'étais assez surprise, donc c'est cool en soi. même si on n'a pas trop du coup traité la partie... rapprochement sens de la nature SHS au travers d'exemples, ouais. Mais du coup c'était difficile de rembrayer là-dessus vu que vous étiez parti dans une perspective un peu transdisciplinaire où on éclate tout et ce qui est important c'est le résultat et pas forcément comment dire une vision normative de l'organisation. Du coup c'était difficile de repartir là-dessus du moment qu'on a cassé la discipline, on pouvait plus trop parler des rapprochements disciplinaires, quoi. C'est pas très grave, mais cela dit, moi je pense que c'est quand même intéressant, et ça ce serait plutôt justement je pense de l'épistémologie un truc comme ça. L'aspect, je l'ai mal formulé, j'ai pas assez réfléchi, faudrait que j'y réfléchisse mieux, mais je reste quand même persuadé que le coup de il y a des on tranche via une démonstration ou via une expérience, il a beau dire oui en physique on fait on s'arrange pour que ça soit cohérent, que ça marche bien dans les mathématiques, mais malgré tout c'est quand même l'expérience qui tranche, quoi. Ben, c'est pas si facile que ça. Justement, si je prenais le cas des sciences de l'environnement, c'est que, par exemple, quand t'as un problème écologique sur un territoire donné, il faut plein d'approches différentes. Et le résultat va dépendre de ton modèle et le domaine va dépendre de l'approche théorique que t'as. Et dans l'approche théorique, des fois, il y a de la philo, quoi. Et du coup, les choses sont beaucoup plus compliquées que ce qu'elles ont l'air. Parce que tout dépend des conditions de l'expérimentation, de ce que tu cherches. Oui, mais bien sûr. Mais n'empêche que le truc qui s'appelle expérience, même s'il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une expérience, est-ce que c'est le social qui fait que l'expérience est considérée comme réussie, ou est-ce que c'est un truc objectif, ou je sais pas quoi, c'est encore autre chose. Mais en maths, c'est quand même l'aspect purement logique, démonstration, etc., qui tranche, quoi. Par rapport à ton hypothèse, et l'hypothèse quand elle est complètement foireuse... Non, une hypothèse peut pas être foireuse. Je veux dire, enfin, en maths, c'est pas vraiment. En épistémologie, je veux dire, c'est compliqué. En maths, c'est du si alors. Je veux dire, donc c'est en pas maths, faux, oui. Juste. En maths, oui. Mais ouais, mais donc c'est très juste à part. Pour les maths, juste mais pour oui, les maths. Mais c'est bien ce que je dis. C'est bien. C'est pour ça que je fais la distinction. Ouais. Là que je dis qu'il faut faire que de mon point de vue, s'il y a une distinction à faire qui est intéressante, c'est ça. C'est-à-dire que tu te places en histoire, tu te places en sciences expérimentales, tu te places en maths. C'est pas les mêmes critères qui vont faire que tu considères une théorie comme intéressante ou pas, comme valable ou pas. Ouais, et mais ça me paraît intéressant. Ça serait intéressant de faire toute une discussion là-dessus, effectivement. Parce que là, il y a de quoi dire, il y a des disciplines, tu vois, mais c'est plus sur des façons de raisonner et sur des qu'est-ce qui m'intéresse fait de considérer que c'est vrai. Parce que, encore une fois, généralement, quand tu démontres un truc en maths, enfin, il y a des physiciens, il y a des mathématiciens qui démontrent des trucs que les physiciens savent depuis des années. Mais sauf qu'ils ne l'ont pas démontré d'un point de vue mathématique. Ça rentre super bien dans leur théorie, ça explique tout, ça marche vachement bien. Ils s'en foutent complètement que ce soit démontré ou pas. Et même en maths, d'ailleurs, ça arrive. Même en maths, ça arrive. C'est-à-dire que l'intégration a été utilisée pendant 50 ans avant qu'on comprenne pourquoi ça marchait vraiment, quoi, qu'on ait une justification parfaite que ça justifie, que ça fonctionne. Ça, précisément, ça serait intéressant à mettre en relation avec la philo. Précisément, parce qu'en philo, justement, on peut parler... d'hypothèses fortes en philosophie, par exemple sur l'esprit, etc., qui ont été prouvées, entre guillemets, ou du moins qui ont été validées par d'autres moyens en sciences cognitives deux siècles plus tard, et on est à peu près dans le même genre de configuration. Et ça serait intéressant de faire la comparaison. Là, on serait vraiment dans un débat un peu plus pointu, je pense. Tu fais ce que je veux dire ? Ouais. Bon, on fera un autre numéro, alors. C'est vraiment entre l'épistémo, la neuro et je sais pas quoi, mais d'essayer de comprendre comment on fonctionne et pourquoi notre cerveau des fois dit que ça marche pas et à quelles conditions, etc. Ouais. Et c'est justement, quand je parlais de domaines de recherche peu fixés, ben, tout ce qui est philosophie de l'esprit, sciences cognitives, nouvelles interfaces dont David pourra parler entre informatique, évolution, philo, etc., on est vraiment là-dedans, quoi. C'est-à-dire que... on est dans le bouillonnement, et en fait, il y a tellement de bouillonnement, on est obligé de dresser des catégories, sinon, rien n'avance, concrètement. En un mot, je vais revenir sur ce que tu disais avant, au niveau de ce que tu t'attendais, je pense que tu t'attendais plus, et peut-être un peu moi aussi, à ce que la réaction aille dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens défendent plus, t'accusent d'abattre trop les catégories. Ouais, je pense que chacun défendrait son bout de grain, en fait. Je pensais, du coup, j'avais un peu organisé le dossier par rapport à ça, en essayant d'aller doucement pour montrer certains côtés de l'arbitraire des disciplines. Et du coup, j'étais un peu prise de court en me disant bon ben, tout ce que j'ai prévu, je vais pas pouvoir le caser. Puis là, je sais pas du tout où va la discussion. Ça rebondit un peu sur plein d'aspects différents. Bon, c'est pas grave, hein, c'était cool quand même, mais j'avais pas du tout anticipé ça. Du coup, je m'en veux un peu, quoi. Ouais, c'est pas grave, hein, c'était bien quand même. Hein. Ouais, non, c'était super cool. Ok, je pense que c'était bien cool et c'est animé, la partie débat. On a quasiment battu le record, on est encore assez loin de l'émission de Pierre, mais cette émission fera partie des plus longues. On sent qu'il y aura encore matière à, mais en même temps, voilà quoi. Et ce que dit Marie n'est pas faux, peut-être on est parti, je sais pas si on s'est si éparpillé que ça, j'ai l'impression qu'on est un peu reconcentré, mais peut-être pas exactement là où elle nous avait laissé quoi. Marie, je ne sais pas si tu sais, mais il y a cette coutume dans Podcast Science qui veut que la personne qui prépare le dossier arrive avec une côte. Es-tu venue avec une côte ? Je suis venue avec une côte et par bonheur, je pense qu'elle va mettre tout le monde d'accord, ce qui n'a pas été le cas tout le long de l'émission. Alors, c'est une citation d'Edgar Morin qui nous dit « Le plus important, ce n'est pas un savoir général qui s'est accumulé, c'est l'expérience singulière qui s'est décantée. » Voilà. Pas mal. Des réflexions Ouais, moi je trouve que ça va plutôt dans mon sens. Hein. Je suis d'accord aussi. Donc je pense qu'il est temps d'écouter le pitch de la semaine prochaine, Alan. On l'écoute. Vous avez aimé le précédent podcast sur la simulation ? Alors attendez la seconde partie. Autant dans le premier nous avions parlé des problématiques liées au modèle pour représenter le réel, des avantages de la reproductibilité de la simulation numérique et d'exemples de domaines où la simulation numérique aide à faire avancer la science, autant dans cette seconde partie nous expliquerons comment l'on informatise un modèle, la discrétisation du modèle et des équations, l'implémentation avec des algorithmes, l'impact de la simulation sur l'informatique et bien sûr tous les problèmes que l'on rencontre tout le long de ce travail devenu indispensable aujourd'hui pour tant de domaines. Oui, je simule, mais c'est pour la bonne cause. On a hâte d'être la semaine prochaine. C'est du propre. Robin, je vais te laisser conclure. Eh bien, oui, c'est le moment de conclure. Hein. Voilà, c'est bien le moment de conclure, largement le moment de conclure. Donc surtout, voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, quoi qu'il arrive, on compte sur vous pour nous le dire. Dites-le nous par courrier, avec des commentaires, avec des likes ou sans likes, du coup on comprendra aussi, avec des tweets, avec des clins d'œil, avec des cadeaux de Noël. Oui, c'est bien, je ne sais pas qui a écrit ça, c'est une bonne idée, c'est des cadeaux de Pâques, on va dire. Vous pouvez faire tout ça sur podcastscience.fm, sur Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, tout partout sur l'Internet mondial. Et merci encore à tous nos poditeurs et poditrices chéries, fidèles au poste chaque semaine. Grand merci aussi à Marie. On se retrouve le 12 mars. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à vous et à tous. Et que servir la science soit votre joie. Au revoir tout le monde. Salut. Ciao à tous. Ciao. Bon, je pense qu'il est quand même temps d'aller dormir. Ouais, parce que là, il y a Puyo qui est en train de nous suggérer de faire un épisode sur l'instant, sur toute la nuit, mais non, Puyo, non, non, on ne va pas le faire. C'est gentil, faut que tu viennes nous rejoindre dans la chatroom parce qu'elle est Puyo et qu'on tourne, qu'on mette en place un rond. Dans le Skype, ouais. Dans le Skype, ouais. Bon, sinon, la chatroom, vous arrêtez de parler parce qu'il faut que je copie-colle la chatroom et dès que vous rajoutez un truc, il faut que je redescende. En même temps, ça n'a plus aucun intérêt. Bah, s'il parle en anglais, effectivement, je crois que c'est fini là. Et je précise à la chatroom que je ne suis même pas sous Red Bull ce soir. C'est nul. Mais oui, on pourra le concept de la nocturne podcast, je pense, est validé par nos auditeurs. On va se faire ça un de ces quatre. Mais quelle bande de crétins! Bon, hey, je m'en fous, vous serez pas dans la copie-collée de la chatroom, c'est tout, c'est pas grave. C'est ça. C'est... Ah merde, putain. Ah, j'ai tout désélectionné. C'est marrant parce que Robert, Alan est dans le Skype, mais il nous répond sur le chat. C'est ça. Voilà. Voilà, voilà. Bon. J'ai eu ta voix. Ah, oh, du coréen. Ça veut dire oh là quoi là, c'est complètement dingue. Ça veut dire quoi? Moi, je vais pas me coucher tant qu'il n'y a pas de clingon. Donc il n'y a pas de... De clingon. Ah oui. Clingon, ouais. Eh ben écoute, moi je pense que je vais te laisser alors. Hein. je pense qu'il y a une faute d'orthographe dans le coréen d'après Google Translate. Il y a peut-être un caractère... Non, je pense pas. J'allais dire, il y a peut-être un caractère chinois au bout, mais non, c'est bien du coréen. Et je ne parle pas du point d'exclamation. La science, Gonzo est le meilleur. C'est un truc dont je voulais parler, mais du coup, j'ai pas eu l'occasion. Quand vous parliez de créer un système d'options très très libre, comme il existe par exemple aux États-Unis, etc. Votre manière d'en parler, ça me faisait penser en fait à des utopies de la Renaissance, tu sais, du genre à la Rabelais, etc. Mm-hmm. Où t'as des universités avec un esprit universel au sens strict, c'est-à-dire que tu peux choisir n'importe quoi. Et on était un peu là-dedans, on était un peu dans l'utopie en fait par certains aspects. Mm-hmm. Vous trouvez pas? Alors, je connais sûrement beaucoup moins bien ces utopies que toi, mais ouais. Parce que, enfin, bon, c'est bon, je vais pas continuer à parler, sinon on va jamais aller se coucher. Je prends des notes. Je prends juste qu'il y a eu du Klingon dans la chatroom. Très bien. Absoci Kouch, je sais pas ce que c'est, mais. C'est bon, c'est le signe du départ. C'est bon. Ce sera notre mot de la fin. Absoci Kouch. Très bien. Bon ben, à plus tard alors. À la semaine prochaine. Tchuss tout le monde. Salut.